Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans l'Estaminaire, le podcast qui parle techno, société et culture pop. Notre établissement est ouvert jour et nuit, partout où on sait lire un podcast et un flux RSS. Aujourd'hui, les plus grands influenceurs sont réunis, mais aucun d'eux n'était dispo pour faire cette émission avec moi ce soir. Donc bah pour remplacer, j'ai le plaisir d'accueillir mes bouches trous préférés, à savoir Monsieur V pour Valentin. Salut Val. Eh bien le bonsoir. Qu'est-ce que je vous sers, mon petit Val ? Allez, une petite pinte de cocardie, voilà, c'est une petite bière blonde sympathique, ça m'irait bien pour ce soir. C'est ce que j'ai bouffé ce soir, moi, un cocardi, enfin, il faisait moins le fier en sortant du four. Une blague, évidemment, qui n'a pas plu à l'homme qui n'aime rien, à savoir Chris 2. Salut, mon petit Chris 2. Salut, Matt, c'est vrai que j'ai pas rigolé. Tu vois, j'étais sûr, j'étais certain, voilà, parce que tu n'aimes rien. Du coup, bah, je te sers pas grand-chose. Qu'est-ce que je peux te servir que tu ne vas pas aimer ? Si, moi, tu peux me servir un verre de résine spéciale de Carglass parce que j'ai pété mon pare-brise, donc n'hésite pas. Est-ce que du coup, l'impact était moins gros qu'une pièce de 2 euros ? Exactement. Il était moins gros qu'une pièce de 2 euros, tout à fait, donc il était réparable. Et donc, tu as pu aller voir Robert qui t'a dit bonjour et qui a mal joué ton entretien. Non mais du coup j'ai pas été chez Carglass parce qu'il marche pas avec mon assurance. J'ai été chez Mondial Pare-brise. Salut Mondial Pare-brise, merci d'être petit lien affilié dans la description pour Mondial Pare-brise. Podcast sponsorisé, parfait. J'ai une blague à faire sur Carglass répare, Carglass remplace. Mais elle vient pas. Elle est là, elle est pas loin. Il faudrait en faire une mais il y a rien qui vient. Du coup je propose d'accueillir à la place Mister Yonda pour gagner du temps. Salut Yonda. Salut tout le monde, salut Matt. Je suis content, j'ai même plus besoin d'être là. Vous placez tout de suite les liens d'affiliation et tout, c'est vraiment bien. Je suis fier de ce que j'ai fait. Ouais, franchement. T'es là une fois sur deux en ce moment, donc bon, on essaie de trouver des solutions. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que je vous sers ? Eh bien écoute, ce soir, je vais prendre une bière blonde que l'on appelle Ipanapi, qui est une gamme de la Brasserie de la Lune, et c'est une blonde qui a remporté, je le vois, c'est écrit sur l'étiquette de ta bouteille, la médaille d'argent du concours international de Lyon en 2020. Et eh oui, blonde, parce qu'on n'est pas là pour vous servir de la piquette. Exactement, une blonde aromatisée aux fruits exotiques, et ma foi, eh bien, comme disent les jeunes aujourd'hui sur TikTok, c'est pas piqué des hannetons. Ils disent ça les jeunes aujourd'hui ? Je sais pas, je suis pas sur TikTok, moi tu sais, le fossé technologique, j'ai raté. Enfin, qu'on reparle de ce fossé technologique un jour, celui qu'on met autour de nos maisons pour éviter évidemment que les gens viennent regarder et pirater nos appareils. La 5G, malheureusement, la 5G. Ouh là là. Est-ce que tu as les moyens de régler tout ça, Yonda, là ? Ouais, si tu veux, je peux te faire un PayPal. Ah ouais ? T'es sûr ? Ouais, ah bah écoute, moi je me suis resservi mon compte. C'est pas safe PayPal en ce moment. Hein. Bah en fait, c'est pas... Enfin, ils ont fait passer un petit truc il n'y a pas longtemps. Chers auditeurs, chères auditrices et utilisateurs, utilisatrices de PayPal, vous avez très certainement reçu, il y a quelque temps, un petit mail informatif, comme souvent, vous disant « Oui, on va faire une petite mise à jour de nos conditions d'utilisation. » Ah oui, c'est chiant, je l'ai passé. Ouais. Ça me soulève. Mais bon, vous n'avez rien à faire, hein, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Bonne journée. Et donc, Yonda, c'est le genre de mec qui lit ce genre de mail. Alors, moi, je lis ce genre de mail, mais après, je le supprime. Je ne vais pas voir, parce que je me dis « Bon, j'ai rien à faire, c'est bon, c'est cool. » Et puis, en fait, j'ai appris quelque temps, quelques jours après, qu'il était intéressant d'aller regarder ce que révélait ce changement qui est donc prévu pour le 16 décembre prochain, soit demain. Hein. Et en gros, ils introduisent alors pas mal de choses, mais notamment une nouvelle politique qui est que, à partir donc du 16 décembre, les comptes inactifs de PayPal depuis 12 mois consécutifs seront facturés. Pour une somme qui n'est pas encore clairement établie, c'est indiqué un montant inférieur à 12 euros ou au solde restant sur votre compte. Alors attends, on reprend l'histoire. PayPal, c'est un système, c'est un tiers de confiance. Oui. Tu m'arrêtes si je dis une connerie. Hein. C'est ça. Du coup, c'est un organisme qui est un peu sécurisé, à qui tu donnes ton numéro de carte bleue ou ton numéro de compte. Ça évite de le laisser traîner sur n'importe quel site. Et quand tu as besoin de payer de façon un peu sécurisée, au lieu de payer avec ta carte bleue, tu payes par PayPal et ça évite de laisser traîner tes identifiants un peu partout. Exactement. C'est un excellent résumé. Sorte de carte bleue virtuelle. Tout à fait. Là, tu es en train de me dire que cette carte bleue, si je ne l'utilise pas, alors que ça existe depuis 20 ans, ça a été inventé avec c'est le tiers de confiance de eBay, si je dis pas de conneries, historiquement. Ça existe depuis 20 ans, et là, en fait, si tu oublies de t'en servir, ou que tu oublies que tu as un compte, ou quoi que ce soit, bah, d'un seul coup, ça devient payant, en fait. Ouais. Et ça te prend de la thune. Exactement. Alors, sur 12 mois, donc 12 mois consécutifs, alors après, ce qu'ils ont, ce qu'ils établissent comme étant un compte inactif, ce n'est pas... qu'un compte qui n'a pas fait de paiement ou pas viré d'argent sur son compte PayPal, c'est, ça va jusqu'à tu ne t'es même pas connecté à ton compte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où juste tu te connectes à ton compte PayPal pour voir ton solde ou pour changer tes infos ou, quoi, ou même juste te connecter, ça va. T'es pas considéré comme inactif. Mais sur le fond, je comprends la démarche. C'est-à-dire qu'ils font ça parce que ben, forcément, étant gratuit, il y a énormément de gens, je pense, qui ont un compte PayPal mais qui ne s'en servent jamais. C'est pour nettoyer, quoi. C'est ça, qui sont, bah, c'est clairement ça, c'est pour nettoyer, qui s'en sont servis une fois et puis qui après on les sait crever. Sauf que bah, ça prend de la place sur les serveurs, ça, donc, ça leur coûte de l'argent, puisque eux, PayPal se rémunèrent sur les frais de transaction qu'ils appliquent quand vous payez chez un commerçant avec, avec PayPal ou avec les paiements, pas les paiements de confiance entre amis, mais il y a un autre paiement où vous avez des frais d'assurance. Enfin, c'est comme ça que PayPal se rémunère, mais visiblement ça ne doit pas couvrir les frais. Donc ça, je peux le comprendre, c'est nettoie, c'est écolo en plus, c'est dans le move et la tendance, ça c'est cool. Ce qui moi me fait un petit peu plus grincer des dents, c'est que clairement c'est fait en sous-marin, quoi. C'est dans le mail qu'ils envoient pour la mise à jour, prévenir de la mise à jour de conditions d'utilisation, à aucun moment il y a cette ne serait-ce qu'une petite notice disant hey, on a un changement sur les conditions d'utilisation qui peuvent entraîner une modification de la tarification, un truc comme ça. C'est vraiment le mail, je l'ai relu après coup, c'est vraiment bon, on fait une petite mise à jour mais t'inquiète, ça va bien se passer. Tranquille. Tous un coup, dites 33, allez-y monsieur. Bah surtout que moi j'avais beaucoup l'habitude de payer avec PayPal et anecdote personnelle, en rentrant il y a 10 jours à 3 grammes un jeudi soir, j'ai égaré ma carte bleue. Donc tout va bien, j'ai pu faire opposition tout ça, mais du coup le temps que ta banque te renvoie une carte et puis que t'attendes encore un jour ou deux pour recevoir ton code, j'ai passé 10 jours sans carte. Et autant pendant un moment on pouvait quand même acheter beaucoup de choses directement en ligne avec PayPal, autant aujourd'hui c'est plus un service qui est utilisable facilement sur la majorité des sites de e-commerce, quoi. C'est un moyen dépassé, c'est un peu le chéquier d'internet en fait, PayPal. Je sais pas si on peut dire que c'est le chéquier d'internet. C'est encore pas mal utilisé. Hein. Les gros sites, non. Mais t'as pas mal de petits sites, et je mets des guillemets parce que ça n'a rien de péjoratif, mais des petits sites e-commerce ou des trucs comme ça, pour qui PayPal est une solution de facilité. Parce que, encore une fois, il y a énormément de gens qui ont un compte PayPal et eux jouent de ça. Ça va, par contre, je pense, à mon avis, autant leur faire du bien en termes de serveurs et en termes de coûts d'entretien. Par contre, ça va leur faire perdre du poids parce que... C'est une bonne chose aussi de perdre du poids. C'est vrai, ça peut être, c'est vrai. C'est surtout à l'approche de l'hiver. Voilà. Ben oui, mais bon, après il fait froid. mais le truc, c'est que d'un point de vue commerçant, du coup, il faut savoir que les frais de transaction de PayPal sont quand même assez massif, et que d'ailleurs ça a été, je pense, quelque chose qui leur a fait un petit peu de mal, parce que des nouvelles solutions comme Stripe ou Paygreen ou des choses comme ça qui sont des équivalents ont des frais de transaction qui sont beaucoup moins importants, et donc c'est des solutions qui fleurissent un petit peu partout et qui viennent à remplacer PayPal. Aujourd'hui, PayPal peut se dire, attendez, nous on a une communauté de X milliers ou millions d'utilisateurs, mais après nettoyage, elle va quand même prendre un sacré coup, je pense. Alors pas de moitié, mais je pense qu'on doit bien avoir un 15-20%. Je sais pas s'il y a une stat du nombre d'utilisateurs fantômes de PayPal, mais voilà, ça va peut-être aussi les faire retravailler ces frais appliqués au niveau des commerçants, parce que sinon, je suis pas sûr que ça soit le meilleur move d'un point de vue business. C'est très anglais. Matt te parlait du chéquier d'internet. PayPal, j'ai l'impression que c'est beaucoup utilisé aujourd'hui par des sites qui mettent en relation des acheteurs et des vendeurs. Je pense notamment, moi qui fais de la musique, à Reverb, qui est un site de matériel de musique d'occasion. En gros, tu peux acheter des effets, des guitares, des instruments de musique d'occasion. Et en fait, tu peux utiliser PayPal comme mode de paiement, sauf que ça reste de particulier à particulier, sauf que t'as une plateforme entre les deux, en fait. C'est un peu ça le principe. Et j'ai l'impression que c'est un truc qui est beaucoup utilisé par les plateformes qui ont ce genre de recettes aujourd'hui et qui se développent beaucoup. C'est un peu la suite de eBay finalement, mais souvent c'est un peu plus centré sur des thèmes. Et j'ai l'impression que c'est un peu l'utilité principale de PayPal aujourd'hui sur Internet. En fait, le vrai intérêt, c'est que quand tu vas faire tes achats sur un site où c'est la première fois, où tu connais pas et tout, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un tiers de confiance parce que quand tu as un problème avec la vente, tu t'adresses à PayPal, ils te remboursent et c'est eux qui se démerdent avec le vendeur en fait. Donc toi, ça sécurise un peu ta transaction. Moi, c'est plutôt dans ce cadre-là que j'utilise. Ou alors quand j'achète des commissions à des artistes, c'est le meilleur moyen pour t'acheter un dessin original outre-Atlantique, n'est-ce pas ? Voilà. Et ne pas le recevoir. C'est vrai. Il y a des avantages à utiliser PayPal après. Hein. C'est pas le diable, c'est pas le mal. Mais attention. Non, mais il faut l'utiliser visiblement, quoi. Ouais. Parce que sinon, ça coûte cher. Il faut au moins te connecter une fois dans l'an. Sinon, tu risques de te retrouver avec une petite facture, alors, pas salée, hein, inférieure à 12 euros ou au solde restant de ton compte. Donc si t'as 11 balles, tu peux te dire qu'ils vont te réquisitionner ça gentiment. Ou alors après, la meilleure des démarches à avoir, si en écoutant ce podcast, vous dites « Oh, mais c'est vrai que j'ai un compte PayPal, je m'en sers jamais », bah supprimez-le. Là, vous ferez un geste pour la planète, pour les serveurs de PayPal, et puis vous gagnerez de l'argent puisque vous éviterez de vous faire facturer. Bah, ou alors, si vous voulez garder votre compte et faire une action, vous pouvez verser 1, 2, 10, 30, 45 euros à l'Estaminerd, en fait, directement par PayPal. C'est vrai. On a un PayPal ? Pas encore, mais ça peut se faire rapidement. En tout cas, moi, j'en ai un PayPal. Donc, si vous voulez verser de l'argent à l'Estaminerd sur mon PayPal personnel, voilà, n'hésitez pas. L'adresse s'affiche sur l'écran de votre autoradio, évidemment. Bref, ça ne nous dit pas comment tu vas régler ta binous de soir, mon petit Yanda. Visiblement, ce ne sera pas par ce système de paiement. Non. J'ai une question. Moi, j'ai un autoradio cassette, il n'y a pas d'écran. Comment on fait ? Est-ce qu'il est auto-reverse ? Bah, évidemment, quand même. Attends, je suis ça va, quoi. Du coup, l'adresse est écrite sur l'étiquette de la face B. Ah, d'accord. Bah, attends, je vais voir. Voilà, et il y va vraiment. On va attendre qu'il revienne, par contre, du coup. Ouais, c'est sympa. J'espère que vous n'êtes pas pressé. Ce sera pas trop long. Ouais. Ouais, parce qu'en plus c'est une voiture et il y a une clé sur la porte. Ça s'ouvre. C'est pas un verrouillage centralisé, quoi. C'est. Non, et puis dès que t'appuies, tu fais fonctionner ta machine à café, son portail s'ouvre plus, donc du coup. Et en attendant qu'ils reviennent, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles hein, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer. Mettez vos commentaires, tout ça. Abonnez-vous, parlez du podcast à vos amis et tout. Et puis, faites le petit onglet récupération du mot de passe sur PayPal, parce que du coup, on l'a tous perdu en fait, ce mot de passe. J'essaye de trouver une chute à la blague de la cassette, mais j'en ai pas, donc ça serait bien qu'on passe à la suite maintenant. Ah bah ça tombe bien, parce que je voulais te faire parler de quelque chose. On va faire un petit retour sur nos expériences dans passées. Dans les épisodes précédents. Previously on Estaminerd. On a annoncé plein de trucs, on n'en a jamais reparlé, et notamment on avait une expérience à faire sur Instagram. Ah oui, c'est vrai. Chris, est-ce que tu peux nous briefer sur cette expérience que tu voulais lancer sur Instagram ? Alors, l'expérience qu'on a parlé des réseaux sociaux suite au documentaire Derrière nos écrans de fumée, c'était dans l'épisode 11, 13 précédent. Je ne sais plus. 13, c'était ouais. C'était dans un épisode, en tout cas, de l'Estaminerd, hein, voilà, si vous nous suivez de temps en temps. Et on était parti sur le principe que lorsqu'on montrait sa tête sur Instagram, on avait plus de chances d'être mis en avant par l'algorithme et d'avoir des likes. Donc j'ai dit, on va faire un test. Sur le compte Instagram dédié à mes lectures, je vais poster deux fois le même bouquin, même description, même hashtag, sauf qu'il y a une photo où on verra ma tête plus que le bouquin, et il y a une photo où on ne verra que le bouquin. C'est à peu près ça l'expérience. Mais ce compte Instagram dédié à ses lectures, quel est-il, Chris ? Il s'appelle Chris Comics Club. Voilà. Ah, je vais aller voir tout de suite, en toute discrétion. Et alors, attends, juste, je me permets de t'interrompre. J'invite nos auditeurs et auditrices qui ont vu passer ce post en doublon de nous dire en commentaire sur les réseaux sociaux quel était le titre de ce comic book. Tintintin. Bon, on mettez-le. Il n'y a rien à gagner. Voilà. Non, il n'y a rien à gagner. Non, non. Non, non. J'ai déjà une ardoise à l'Estaminerd, je vais pas en plus. Vous pouvez gagner un an de frais de PayPal. Toujours est-il que le résultat est assez intéressant parce que, en fait, effectivement, au moment de la publication, dans la première heure, la photo avec ma tête a été bien plus mise en avant que celle où il n'y avait que le bouquin, et elle a eu beaucoup plus de likes. J'ai fait l'expérience pendant 24 heures, parce qu'en fait la durée de vie d'un post sur les réseaux sociaux c'est 48 heures à tout casser, mais généralement le nombre de likes est atteint à peu près en 24 heures, enfin le taquet on va dire, après c'est résiduel, donc en 24 heures ça me permettait de voir un peu l'évolution. Et j'ai été surpris de découvrir que finalement, Pour vous donner l'avantage d'Instagram avec les comptes, ce qu'ils appellent les comptes pro, les comptes je sais plus comment, voilà, c'est qu'on a vraiment quand même des statistiques assez détaillées, comme sur YouTube d'ailleurs. J'avais jamais vraiment exploré cet aspect-là des statistiques d'Insta, mais tu sais vraiment beaucoup beaucoup de choses sur les gens qui te suivent. Et finalement, après 24 heures, la photo où on voit ma tête a été affichée à 811 personnes, tandis que celle où on ne voit pas ma tête a été affichée à 1010 personnes. Donc, j'avais tort. Mais par contre, on a 128 likes et 6 commentaires pour celle où on voit ma tête, et 111 likes et 2 commentaires pour celle où on ne voit que le bouquin. Donc, de façon assez paradoxale, celle où on voit ma tête a été moins souvent affichée aux gens, mais elle a généré plus d'interactions, puisqu'on a, bon, on a 27 likes de plus, c'est pas extraordinaire, on a 4 commentaires de plus, c'est pas extraordinaire. Après, mon compte Instagram est pas suivi par des dizaines de milliers de personnes, mais techniquement, si vous avez un compte très suivi, forcément, c'est proportionnel en général. Donc, plus vous montrez votre tête, et plus vous avez d'abonnés, plus vous avez de chances d'avoir des interactions. Donc il y a quand même ce système, alors en fait, qui découle presque plus des gens que de l'algorithme, pour le coup, enfin en tout cas dans mon cas. Évidemment, pour que ça soit hyper scientifique, il faudrait réitérer l'expérience à de nombreuses reprises avec des comptes différents et qui soient créés pour ça à la base. Enfin voilà, il faudrait le reproduire comme ça tous les jours pendant un an, et peut-être que là, tu aurais une vision plus claire de comment fonctionne l'algorithme, sachant que lui-même peut évoluer et changer, donc c'est pas hyper fiable non plus. Mais voilà, donc l'expérience est semi-validée, dans le sens où effectivement tu as plus d'interactions et de likes quand tu montres ta tête, mais c'est pas pour ça que ta photo est plus affichée. Donc voilà, on avait qu'un petit peu tort, un petit peu raison, quoi. Oui, et puis comme tu dis, c'est que sur un post, donc effectivement, ce n'est pas une vérité absolue, quoi. Et en plus, pour le coup, j'ai posté ça en début d'après-midi, ce qui n'est pas du tout la bonne heure pour poster sur les réseaux sociaux. En général, on dit plutôt qu'il faut poster le soir entre 18 et 20 heures. Alors, plutôt sur les coups de 18 heures sur YouTube, puis plutôt sur les coups de 20 heures sur Facebook, parce que les gens se connectent plus tard sur Facebook. C'est un truc de boomer, tu sais, qui vont là-dessus avant de manger, après manger, ou ça dépend à quelle heure vous mangez. Si vous mangez devant, si vous mangez devant question pour un champion, c'est que vous êtes un méga boomer, et donc là vous allez plutôt sur Facebook vers 18h. Enfin bon, voilà, on va considérer que c'est la moyenne 20h. Méga boomer. Ouais, c'est le stade. C'est comme les Pokémon. Pokémon. Faut une Powerball pour attraper un méga boomer. En plus l'expérience est biaisée parce que les gens qui me suivent forcément ont vu les deux photos, et peut-être que certains ont compris quelle était l'idée derrière. Enfin tu vois, c'est pas totalement neutre. Donc comme je le disais, il faudrait faire un test. S'il y en a un qui nous écoute et qui veut tenter, ouvrir deux comptes neutres sans qu'on sache qui y a derrière, et tous les jours poster un même contenu, même description, même hashtag, avec un même sujet de photo, mais une où on voit sa tête, une où on ne voit pas sa tête. Faites le test pendant un mois et vous verrez quel compte gagne le plus d'abonnés et quel compte a le plus d'interactions. Voilà, c'est une expérience sociale à tenter. Si vous avez que ça à faire de votre vie, faites-le. Et on vous invitera dans les Stamineurs pour que vous nous donniez vos résultats, évidemment. Non. On a déjà dit dans un épisode précédent qu'on allait inviter les rares personnes qui écoutent cette émission, et j'ai des demandes, hein, les gens se manifestent. On va avoir beaucoup d'épisodes spéciaux à faire avec des invités, ce sera peut-être des épisodes un peu courts, on les fera en rafale à la rigueur. J'ai hâte sur celui avec la maman de Chris, j'ai vraiment hâte. Bah oui, on va enfin avoir la recette du gâteau aux bonbons. Ah mais oui. Et du coup, cette photo, tu l'as supprimée, elle n'est plus sur Chris Comics Club. Oui, tout à fait, j'ai viré cette photo de ma tête qui était complètement ridicule, et j'ai laissé la photo de la très jolie couverture de Dale Cone de Shazam par Dale Cone, parce que Dale Cone n'est pas été dessiné par Shazam, qui est très très sympa. Mais oui, parce que l'expérience est rigolote, mais après je voyais pas trop l'intérêt de laisser les deux, c'était un petit peu ridicule. Du coup, moi aussi j'ai fait une expérience rigolote, vous me direz s'il faut que je l'efface, mais Chris m'avait mis au défi en disant, si tu postes ta crotte tous les jours sur Instagram, il est possible que tu aies un compte qui fonctionne. Et il avait même ajouté cette phrase que je vous invite à retrouver dans l'épisode. Si j'ai pas trop la flemme, je la remettrai au montage. Je vous invite à du coup bien noter cette phrase. Il a dit, je serai d'ailleurs le premier abonné de ce compte si tu le fais. Et donc, n'écoutant que mon courage, je suis allé vérifier que Cacastagram était bien disponible, et Cacastagram n'était pas disponible. Oh, quel dommage. Quelle déception. Mais caca.stagram était disponible, et donc il existe un compte qui s'appelle instagram.com/caca.stagram, sur lequel, et sur une idée de Chris 2, je tiens à le dire, J'ai posté de façon assez régulière des photos de mes défécations, de mes crottes, de mes excréments, de mes merdes, un peu dans tous les... Or, il y a un peu de train, il y a du boulot, il y a chez moi, il y a chez des potes. Un peu de train, mon Dieu. Voilà. Quelle horreur. Le fameux train qui dont on parlait l'autre fois, voilà. Et du coup, eh bien, ce compte aujourd'hui affiche 11 publications pour un total de 0 abonnés. Ah. Donc, Chris a menti. Il y a un traître. Chris a menti. Eh oui. Je vais rappeler à cette émission et sans filer, allez m'abonner à ce compte pour que tu me foutes la paix, parce que bon, ça fait une semaine. Quand même, c'est rare que ça fait une semaine qui me fait chier, c'est le cas de le dire, oui. Avec ce Cacastagram. Et il me dit, oui, t'as dit que tu serais le premier abonné, t'es même pas abonné à Cacastagram. Est-ce que tu penses que j'ai envie de voir des photos de merde le matin quand je me lève? Mais non. C'est le meilleur de moi-même. Je fais des efforts sur la lumière, j'ai foutu des lights dans les toilettes pour avoir des trucs sans reflet et tout. Le mec, il a mis un ring light, tu sais, d'influenceuse au-dessus des chiottes. Alors, et je suis sur le compte de caca.stagram et je fais s'abonner. Ah, effectivement, il est abonné à moi. Hein. C'est ça qui est quand même extraordinaire. J'ai des abonnés formidables. Et je fais s'abonner en retour. Voilà. Et tu as maintenant un abonné sur ton compte caca.stagram. Vivement que ce compte soit supprimé pour qu'il disparaisse de mes abonnements. Alors, comme je viens de m'abonner, je pense que Insta va me proposer toutes tes dernières photos. Ça va vraiment être génial. Et alors, pour la petite histoire, il y a déjà eu quelqu'un qui s'est abonné à ce compte et qui s'est désabonné entre temps. Donc, j'ai eu un abonné éphémère déjà sur ce fameux compte Cacastagram avec la tête de petit caca Noël en personnage en vignette. Est-ce que c'était genre un faux compte, tu sais, avec un avatar de meuf qui fait wow, well, you're amazing. Et tu sais, genre pour essayer de tu t'abonnes en retour. Parce qu'à mon avis, non. Mais... Non, c'est un vrai compte de vraie meuf qui existe. Ah merde. Eh oui, c'est le cas de le dire. Bah oui, bah tout marche bien avec ce Cacastagram, évidemment. Alors j'ai fait des trucs d'influenceurs, tu vois, j'ai fait des débriefings de lendemain, donc j'ai des photos du caca où j'ai identifié Pizza Hut en disant merci pour le repas d'hier soir, ou enfin je voulais voir si on pouvait faire des partenariats de marque ou des trucs comme ça. Ça n'a pas vraiment pris pour l'instant, mais bon, je suis sur une petite communauté puisque j'ai pour l'instant un abonné. Mais voilà. On va voir si ça grandit un petit peu, et puis on se reposera la question dans le prochain épisode si, comme la photo de Chris avec la cover de Shazam, s'il faut supprimer avec le temps le contenu de ce compte Cacastagram. Eh bien, là, c'est une bonne question à se poser. C'est quelle histoire. Puisqu'on est dans les gens dont on prend des nouvelles, est-ce qu'on peut parler de cette dame qui t'appelle tous les jours? Ah oui, moi j'aimerais beaucoup, moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Chris? Oui, alors en fait, depuis maintenant environ un an... Je l'avais noté au planning, et comme tu vas en reparler tout à l'heure, je l'ai remonté pour qu'on en parle aujourd'hui spécialement. Mais oui, puisque cette histoire connaît sans cesse des rebondissements. En fait, il y a environ un an, pour la première fois, je reçois... Un nouveau fil rouge. Ouais, en vrai, franchement, on en reparlera, c'est obligé. On va prendre des nouvelles. Je reçois un coup de téléphone d'une dénommée madame Éloin, qui me dit oui. Et alors à chaque fois, je vais pas donner son adresse, quand même. On bipera peut-être son nom, ouais, je sais pas. C'est un nom relativement, voilà, bon, ça passe quoi. Et je ne donnerai pas son adresse évidemment. Et donc madame Éloin me dit oui. À chaque fois elle se présente, elle dit oui, c'est madame Éloin. Elle donne son adresse et tout. C'est une dame visiblement âgée, hein. Voilà, on va pas se moquer de son âge, hein. Enfin, de toute façon, ses jours sont comptés. Et donc, elle m'appelait pour me signaler qu'elle avait un problème de chauffage, que son chauffage était en panne. Donc moi, bon, réflexion rapide, je ne suis guère chauffagiste. Je me dis visiblement c'est appel est une erreur, mais en fait, alors faut savoir que mon téléphone fixe me sert quasiment à rien, elle m'appelle sur mon fixe. Et donc en gros, souvent je reçois un SMS quand j'ai un message sur mon répondeur fixe et je ne vais le voir que 3 jours après. Donc je me suis dit, depuis ce problème-là doit être réglé, la dame a dû réussir à appeler la bonne personne, elle s'est juste trompée de numéro. Bon, sauf que quelques semaines plus tard, nouveau coup de téléphone de madame Éloin qui dit pareil, elle se présente à chaque fois, j'ai une fuite d'eau, blablabla. Je me dis putain, vraiment enregistré ce numéro-là comme le numéro de sa proprio, du syndic, enfin je sais pas de qui elle a enregistré. Comment elle a enregistré mon numéro, mais il s'avère que madame Éloin m'appelle quand elle a un problème chez elle. Bon. Donc entre temps j'ai eu d'autres appels depuis un an régulièrement, j'ai des petites nouvelles de madame Éloin, voilà. Et puis jusqu'à cette semaine où là j'ai reçu beaucoup de SMS disant que j'avais des messages sur mon répondeur. Donc là quand même aujourd'hui, comme je bossais pas, je me suis dit bon, je vais quand même regarder mon répondeur, s'il y a peut-être un truc important. Puis il y avait des numéros différents, donc je me suis dit, il se passe un truc. Effectivement, premier message de Madame Éloin qui me dit que l'ascenseur est en panne. Ah, je dis merde, l'ascenseur est en panne. Ah, fichtre. Non, mais c'est quand même très, très ennuyeux. Damned. Ben oui, parce qu'en plus, elle m'explique qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes âgées dans son immeuble, et donc c'est un peu emmerdant. Je dis, ben oui, je comprends bien. Enfin, je dis pas ça, puisque c'est un message sur mon répondeur, mais je compatis à la difficulté qu'elle rencontre. Et puis, le problème, c'est que Madame Éloin, elle s'est dit, là, le proprio, je l'appelle tous les 6 mois, il fait rien et tout. Je vais mobiliser les forces, quoi. Donc, visiblement, elle a fait tourner mon numéro dans tout l'immeuble. Et donc, tous ses voisins m'ont appelé. Et à chaque fois, donc, j'avais, oui, c'est monsieur machin. Donc, pareil, même adresse. L'ascenseur est en panne. Ouais, l'ascenseur est en panne. Putain, bon, d'accord. Ensuite, j'ai une meuf qui a rappelé pour dire qu'elle avait perdu son badge pour rentrer dans l'immeuble. Donc, elle me demandait si je pouvais lui faire 2 badges. Mais en fait, à chaque fois, c'est des personnes âgées. Donc, je me moque. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Tu te moques de la situation, pas des gens, évidemment. Ben, en fait, c'est tellement rigolo et décalé. Et en fait, je me dis qu'en plus, ce qui est ouf, c'est qu'ils insistent, mais... Je me dis, du coup, maintenant, ça fait quand même 1 an qu'ils doivent pas avoir de réponse, puisque bah moi, j'ai forcément jamais répondu à leur demande. Du coup, ça fait 1 an que non seulement ils peuvent pas monter chez eux parce qu'il n'y a plus d'ascenseur, mais que maintenant, ils sont en plus bloqués dehors. Ben oui, non mais c'est ça. Et ça fait tellement longtemps qu'on ne dit pas ton métier que même les gens ils pensent que tu bosses pour quelque chose d'autre que ton vrai métier. C'est ça. Ils pensent que je suis plombier ou réparateur d'ascenseur. C'est vrai que gérant de syndic. Nouveau métier, que... nouveau métier pour Chris 2, gérant de syndic. J'ai peut-être raté ma vocation. Chris de Citia en fait. Mais du coup, en fait la dame pour le badge, elle rappelle une deuxième fois. Et elle conclut, donc elle dit oui, il me faudrait 2 badges. Puis elle conclut par bon, j'espère que je ne me suis pas trompé de numéro. Bah si, mais du coup ça fait 2 fois. Donc tu devrais t'en douter. Et suite à ça, j'ai encore eu un appel. Mais en vrai, le problème c'est que ces gens-là appellent en journée. Moi, je suis pas là, je suis au boulot. Et je bosse au théâtre, évidemment, parce que là, j'ai du travail en ce moment. Et c'est un peu le dawa. On peut pas recevoir beaucoup de monde, mais voilà, on a quand même du travail en off, on va dire. Bah c'est pour ça que oui, vous bossez en matinée, quoi. C'est ça. Et donc du coup, là, à chaque fois, les gens m'appellent quand je ne suis pas là, et donc je ne peux pas leur répondre. Et je me dis, je vais quand même pas les rappeler un par un pour dire, ce n'est pas le bon numéro. Enfin, tu vois, ça devient un peu ubuesque, quoi, comme situation. Et donc Madame Éloin m'a ensuite rappelé une dernière fois il y a quelques jours pour me signaler que cette fois-ci elle n'avait plus que de l'eau chaude. Ah. Voilà, elle a dit je n'ai plus d'eau froide, je n'ai plus que de l'eau chaude. Donc alors si vous avez déjà rencontré ce problème chez vous, déjà dites-le nous, parce que je veux dire moi j'ai jamais vu il ça. C'est temps d'aider Madame Éloin. Ben ouais, on va essayer de l'appeler. On l'invitera un jour dans l'émission. Pour qu'elle nous parle de ses problèmes d'immeuble. Non, mais ce qui est formidable, c'est qu'il y a quand même un immeuble quelque part en France dans lequel on a stocké des personnes âgées, et c'est un immeuble qui visiblement est dans un état pitoyable. Oui. Bah, un peu comme les personnes qui y sont. Et donc. C'est mal. Cette pauvre Madame Éloin donc n'a plus d'eau chaude, n'a plus de chauffage, n'a plus d'ascenseur, et elle continue de m'appeler. Voilà. Donc et moi, bah comme je suis un gros connard, je lui ai pas dit, parce que je me dis, en fait, au début, je m'étais dit un jour je vais répondre, et pas méchamment, mais je vais leur dire non, arrêtez, vous vous trompez, quoi. Voilà. Enfin, mais en même temps, bah, je me suis attaché à ces personnes qui ont des problèmes du quotidien. J'ai envie de savoir ce qui leur arrive, tu vois. J'ai envie de savoir. C'est ton petit site comme à toi, en fait. C'est un peu ça, quoi. On pourrait, c'est un petit peu mon 21 Jump Street à moi, parce que tu sais, on pourrait mettre leur adresse à eux à la place, mais ça serait pas mal. Et il n'est pas impossible qu'en fait ce soit toi qui te trompes et que tu découvres grâce à ces gens que tu es propriétaire foncier d'un immeuble. Bah écoute, j'adorerais, mais non, je ne pense pas. Mais par contre, c'est plein de vieux, tu feras attention. Oui, bah visiblement. Enfin bon, voilà, c'est mon anecdote du moment. Alors c'est vrai que moi, j'ai pas le temps de leur répondre parce qu'avec l'incendie qu'on a eu à l'usine de Nutella là, sur Rouen, là, j'ai beaucoup de boulot en ce moment parce que bon, voilà, on a dû faire un petit peu de ménage forcément. Hein. Voilà, un incendie, c'est pas évident à gérer. Il a fallu transférer le chocolat, tout ça dans des pots. Bref, c'était pas facile. Malheureusement, t'es pompier volontaire, t'as la formation. Bah, heureusement que j'ai aussi cette formation. Oui, c'est vrai. Parce que ça a été quand même un sacré coup. Voilà. Enfin bref, on va pas s'étaler là-dessus. Puis bon, entre deux, j'ai dû aller secourir les gens pris dans la tempête parce que j'ai aussi mon brevet de pilote d'hélicoptère. Mais bon, on n'est pas là pour faire mon éloge. Hein. Bon, bah surtout que tu l'as eu en cours à distance. C'est un truc que tu as passé au CNED. En télétravail. Simulateur. Je l'ai passé sur Flying Simulator. Il a potassé sur Supercopter. Ouais, il a l'intégrale de la ouais, série en DVD. J'étais voilà, incollable avec Santini en copilote. donc voilà, c'était les aventures de Madame Éloin. Je vous tiendrai au courant de l'évolution de la situation de cette dame et de ses voisins, puisque maintenant ils sont plusieurs dans le game. Donc faudrait que je note les noms. Mais bon, bref, je ne m'ennuie pas vraiment. Avant de satisfaire un de nos auditeurs, au sens figuré, évidemment, parmi la liste de tous les jobs de Chris qu'on a pu évoquer, Yanda aussi a eu beaucoup de jobs, et il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est que tu as fait du SAV, Yanda. Service après-vente. Ouais. Même le titre vous fera rire, le Yanda du SAV. Ouais, hey, j'ai fait du SAV, ouais. Bah, c'était à l'époque où je travaillais dans vendeur de meubles. Donc vendeur itinérant. L'époque sacrée, l'époque bénie. Ouais, superbe époque, superbe école de la vie. J'ai fait ça, je crois, pendant une saison, donc 6 mois. Ça me saoulait un peu la vente, j'en avais marre, et du coup le boss qui était mon pote m'a dit bah vas-y, si tu veux, j'ai mon gars qui fait le SAV qui se barre, donc tu prends le poste de SAV. Donc le poste de SAV, qu'est-ce que c'est dans un magasin de meubles quand il y en a un? C'est qu'en gros, le temps où le magasin reste implanté dans un secteur, sur les ventes qui sont faites où il y a éventuellement des soucis, parce que bon, ça arrive, un défaut de fabrication, j'interviens pour effectuer dans un premier temps un constat et dans un second temps, si possible, la réparation. Donc vous pouvez me visualiser, moi, avec mes capacités manuelles proches de moins 1000, me pointer chez des gens qui ont acheté un canapé relativement hors de prix, qui ont parfois assez souvent... Hors de prix, mais c'est le prix juste, hein. C'est le prix de la fabrication française en Italie. Je veux dire, arrivé un moment, voilà, c'est la qualité. Si on veut de la qualité, ça se paye, c'est ça. Exactement, exactement. Et qui entre temps avait découvert un petit peu le poteau rose de la technique de vente, donc savait qu'il s'était plus ou moins fait enfourailler pour parler poliment. On peut pas outer, exactement. Et donc moi j'arrive. Parce que, en plus de s'être fait encanailler leur nouveau meuble à un pet, et moi je viens le réparer. Et donc j'arrive, bonne ambiance. Et alors, de la même façon que en magasin et en vente, il m'est arrivé des histoires assez rocambolesques, j'en ai eu des pas mal en SAV. J'en ai eu notamment une. Le malaise était vraiment immense sur cette histoire-là, c'est celle qui me vient en tête la première. J'arrive chez des gens, donc il y avait un souci, et en fait je rentre et je m'aperçois, donc je suis reçu par monsieur et madame, et je m'aperçois que monsieur et madame sont sourds et muets. Ah, chouette. Ouais. Et donc là je me dis, d'accord. Et toi tu ne signes pas, tu pratiques pas la langue des signes? Absolument pas. Contrairement à moi, parce que j'ai aussi appris ça dans un autre métier, bref. C'est vrai. Sur un week-end de gastro, il avait un peu de temps, Chris, il a appris le langage des signes. Mais d'ailleurs, en plus, j'aimerais beaucoup apprendre. Il y a une nana sur Twitter, mais j'ai plus le. Oui, c'est vrai. J'ai plus le nom. Il fait trois signes par jour et qui, notamment pendant le confinement, présentait en vidéo trois signes de la langue des signes avec la signification. Et c'était vachement chouette. C'est Mélanie Diff. Enfin, Diff comme sourd en anglais. Mélanie Diff, D-E-A-F, sur Twitter. Voilà. Merci. Petit fact-checking, ça faisait monsieur longtemps. Monsieur fact-checker, ouais, c'est vrai, ça faisait longtemps. Voilà. Et donc j'arrive chez ces gens-là, donc qui étaient visiblement en colère, puisqu'ils arrivaient à exprimer quand même malgré tout leur mécontentement, mais je ne comprenais rien du tout de ce qu'ils essayaient de m'expliquer, ces pauvres gens. Et donc j'étais là, dans une angoisse totale, et finalement arrivait leur fille adolescente qui m'a fait la traduction. Qui était aveugle. Qui m'a fait l'interprétation en me disant oui non mais là ils sont pas contents, vous comprenez, et donc en règle générale ce que je faisais c'est que lorsque le cuir, puisque c'était des salons en cuir évidemment, on parle de meubles de qualité, donc qui dit qualité dit cuir, hein, en cuir de rat, cuir moustache, cuir de vache, cuir de buffle même pour les plus T'as des stickers en fait que tu colles, c'est ça? Alors, je mettais de la peinture en fait dessus. Je mettais de la teinture que je déposais un peu avec des espèces de pinceaux de vernis à ongles. Je mettais dessus, je disais voilà, vous laissez sécher. Dans 24 heures, ça aura été absorbé, ça aura reconstitué une teinte et une couleur dans la masse. Et pas de problème, ça passe. Voilà. Et j'ai eu ça. Et puis après, sur les boisures, non. Non, pas les boisures, j'ai plus le mot. Mais bref, les décorations en bois qu'on a sur les côtés ou sur les devantures, des fois il y avait des éclats. Et donc je venais et je mettais de la. Plus gros ou moins gros qu'une pièce de 2 euros? Alors ça dépendait des impacts. Mais du coup, je mettais de la pâte à bois dessus. C'était de la craie grasse en fait, pour colorier. Alors quand j'avais du pot, j'arrivais à trouver la bonne teinte parce que j'avais la bonne teinte dans ma caisse. Si j'avais pas. Bah, je faisais un truc qui passait à peu près, quoi. Tac, voilà, tac, tac, tac, tac, tac. Ouais, on mélange un peu dans un petit verre avec un stylo, tac, tac, tac, tac, et c'est bon. Mais c'est, ouais, c'était des moments assez particuliers parce que, ben voilà, t'arrives chez les gens, ils savent... Pour les niquer. Non, ils savent qu'ils se sont fait niquer, ils savent qu'ils se sont fait niquer, ils savent que tu sais. et comble du comble, l'objet pour lequel ils se sont fait enfler, il a un pet et ça va pas, quoi. Et donc, du coup, il y avait des gens qui essayaient de me poser des questions, à me dire, mais vraiment, c'est vraiment de la qualité, vraiment, vous pensez pas que, voilà, on s'est fait avoir, on regrette, machin. Et c'est très, très, très gênant à gérer. Parce que c'est comme si t'étais un indépendant en fait, tu faisais pas partie de la boîte pour eux, quoi. Ah, pour eux non, ouais, pour eux, bah, du coup j'avais pas la tenue d'un vendeur, j'étais habillé en civil et j'arrivais après coup, donc c'était un peu comme pour les livreurs, c'est pareil, c'est le même truc, mais voilà, c'était... Moi j'ai une vraie question sur les canapés. Alors, en fait, du coup, ils étaient sous garantie, ouais. Je suppose, puisque tu venais. Est-ce que la garantie était comprise dedans ou est-ce que vous arriviez à vendre une garantie en plus du canapé de merde? Garantie, parce que c'est ça. En fait, la garantie, c'était un argument de vente parce que à l'époque, on avait une garantie contractuelle qui était indiquée garantie sans limitation de durée. Donc nous, on expliquait aux gens, on disait oui, voilà, vous savez, on est tellement sûr de la qualité de notre fabrication qu'on vous propose une garantie à vie sur votre produit. Et les gens disaient non, mais une garantie à vie, c'est de la merde, c'est n'importe quoi. Et donc là, on dégainait le banc de commande et au dos dans les conditions on leur disait si regardez c'est indiqué le produit est garanti sans limitation de durée et là après bien sûr il y avait la petite phase d'après qui disait contre tout défaut ou vice caché donc tous les cas d'usure et les cas de choc etc c'était jamais pris en compte, on le faisait parce qu'on était encore sur place et qu'on n'avait pas envie que les gens soient trop relous vis-à-vis du magasin et etc donc quand on avait un SAV il y allait et puis il faisait 2-3 conneries histoire de montrer qu'il faisait quelque chose, mais à partir du moment où les gens où le magasin n'était plus en ville, c'était très compliqué pour les gens d'arriver à obtenir quoi que ce soit. Tu t'es jamais retrouvé à devoir faire le SAV pour quelqu'un à qui tu avais vendu un fauteuil? Non, parce que quand j'ai fait SAV, c'était sur une saison complète et je faisais pas du tout de vente à ce moment-là. Ouais, d'accord. Je faisais pas du tout de vente. Par contre, j'ai fait des ventes avec mon petit frère. Alors, on se ressemble un petit peu physiquement, mais on est assez différent, mais tu vois qu'il y a un air de famille. Et celui qui est en prison? Ouais, c'est ça, exactement. Je le vois tous les jours parce que, comme c'est moi qui suis gardien dans l'établissement pénitentiaire où il est. Tiens, d'ailleurs, tu me feras passer, j'ai un truc à lui faire passer. Ouais, t'inquiète, on va gérer ça. Mais du coup, j'ai fait une vente avec lui où en fait, lui faisait le vendeur et moi, j'étais le responsable qui était supposé être le fils du grand patron. Donc, on était supposément absolument pas du tout reliés et on a fait la vente ensemble. Donc, lui faisait le vendeur et j'arrivais, il faisait oh, c'est mon patron, regardez, messieurs, dames et tout. Et c'était moi. Donc on dirait dans les Simpsons, c'est quand il va avec son père vendre un élixir, tu sais, qui rajeunit ou je sais pas quoi, là, un épisode comme ça. Bah, c'est un peu ça, parce que c'est vrai que quand tu vois les coulisses entre guillemets du truc, c'est très drôle parce qu'en fait, c'est vraiment du théâtre, ni plus ni moins. Il y a une grosse partie de spectacle et de mise en scène et c'est très drôle à faire parce qu'en règle générale, le mec qui se fait passer pour ton grand patron, fils du fabricant que tu vois jamais, qui vient une fois par an en magasin, bah en fait il est là tous les jours, c'est ton pote, t'es avec lui en gîte, enfin voilà, donc c'est très très drôle, ça donne lieu des fois à des scènes assez rigolotes. Mais ouais, le SAV, ça fait partie des choses que j'ai faites. Dans ma longue vie. Il y a beaucoup de choses à raconter sur cette longue vie et sur cette longue période. Il y a une fameuse anecdote qu'on tease depuis maintenant 15 numéros, l'anecdote du péage. Ouais. Eh ben les copains, c'est pas encore pour cette fois l'anecdote du péage. Faudra revenir et attendre un petit peu. Bien et oui, évidemment, parce que Valentin, toi, tu travailles pas en ce moment et donc t'as le temps d'aller au cinéma. Oui, absolument. J'ai le temps de voir de super films. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais j'ai le temps aussi de regarder des séries. Oui. En bon Rennais, t'es allé voir un film qui s'appelle Drunk, c'est ça ? Oui, alors, anecdote... C'est là où je voulais en venir. D'ailleurs, mais anecdote, on peut parler de série, hein, je... Non, mais alors, donc, j'ai été voir Drunk et je veux vous en parler parce que c'est un chouette film. Mais sachez que, notamment à Rennes, j'ai des sources, j'ai des sources privées, voilà. Je sais, par exemple... Est-ce qu'elles sont miraculeuses comme à Lourdes ? Merci Chris. Non, parce que vu que Chris a travaillé à Lourdes aussi pendant un petit moment. Tout à fait, j'ai poussé des pèlerins dans leur fauteuil, oui, c'est vrai. Oui. Vas-y, finis ta vanne. Non, mais je n'avais rien, c'était pas. D'accord. Je l'assumerai pas, donc vas-y. Non, il se trouve que Drunk, en fait, est sorti en France le même jour que 30 jours max, un film de. Je ne sais plus son nom, mais qui est un ancien de la bande à Fifi, donc le gars qui a fait le remake de. Enfin, l'adaptation française de Nicky Larson, notamment. Comment Tarek Boudali. Boudali, c'est ça, absolument. Je suis en train de chercher. Mais... Voilà. Donc 30 jours max, donc comédie française, voilà, un brin potache qui fait venir des gens en salle. Et donc, en fait, en France, alors je sais plus si c'est en France ou juste à Paris, ou je sais pas, enfin bref. 30 jours max avait fait un score honnête et Drunk seulement quelques entrées. Et il se trouve qu'à Rennes, donc en Bretagne, c'est l'inverse. Un film sur des alcooliques a fait beaucoup plus d'entrées que 30 jours max. Et je trouve ça assez exceptionnel. Donc Drunk, effectivement, c'est un film danois. Ces Danois sont décidément pleins de surprises et de bonnes surprises. Thomas Vinterberg, il me semble que c'est le réalisateur. Et c'est un film avec des acteurs donc danois, logique, et un acteur danois que vous connaissez, puisqu'il s'agit de Mads Mikkelsen, qui a joué notamment le chiffre dans Casino Royale, le méchant dans ce James Bond. Et donc, c'est l'histoire. Ces quatre profs, en fait, dont un prof de philo qui partage à ses collègues une trouvaille. Il y a un auteur qui a théorisé le fait que pour être bien dans sa peau et être productif, on va dire, il faudrait avoir tout le temps 0,5 g d'alcool dans le sang. Donc il faudrait tout le temps picoler de manière continue en fait pour pas aller au-delà, mais pas non plus être à moins de 0,5 grammes d'alcool. Et en fait, ils sont tous à un tournant de leur vie, c'est tous des quadragénaires, ils sont tous à un tournant de leur vie où allez, on va se lancer dans cette expérience, on va raconter notre aventure et tout ça, et voilà. Et donc, ils commencent à se bourrer la gueule et à aller en cours, du coup, et à faire cours dans cet état de sobriété, plus ou moins avancé. Et donc, ça, c'est le pitch du film. Et j'ai trouvé ça vraiment très très bien. C'est un peu feel good, mais c'est aussi assez c'est aussi dramatique. Enfin voilà, il y a plein, on passe par toutes les émotions, j'ai envie de dire, et c'est ça qui est pas mal. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le fait que ça ne diabolise pas la consommation d'alcool, mais ça ne l'encourage pas non plus. C'est vraiment, ils essaient de donner un peu de montrer un postulat assez neutre, en fait. Alors ça reste une fiction, hein, bien sûr, et puis l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, mais voilà, à partir du moment où t'as une petite expérience dans ce domaine là et où tu es un adulte et où tu sais avoir du recul par rapport à ce que tu vois, le film est très chouette et franchement, enfin moi, il m'a fait un petit quelque chose, notamment sur les 5 dernières minutes, j'étais bourré. Ben ça, oui, absolument. Non, pas du tout. Mais non, bref, c'est un film que je recommande vivement, vivement. Drunk. Donc ça, c'est le titre français, parce que le titre international, c'est Another Round. Et le vrai titre, le titre danois, c'est Druk. Voilà. Comme Michel Druk. J'y ai pensé. Est-ce que ça a autant la patate que le dernier film Hein ? Est-ce que c'est autour de la patate? On a fait trois questions que à la fois. Film nordique que nous a conseillé. Ah, bah voilà. Alors, comme Chris parle à chaque fois sur toi, je me casse. À la réécoute, c'est spécialisé, donc on entend bien quand on se parle par-dessus les uns. Ouais. Mais du coup, je t'ai toujours pas entendu. Est-ce que ça a autant la patate que le dernier film norvégien ou nordique que tu nous avais conseillé? The Guilty, c'était, je pense. Oui, en effet. Qui était aussi un film danois. Ça n'a rien à voir. Hein. The Guilty, c'est un thriller avec, avec des retournements de situation et tout ça. Là, c'est vraiment. On est plus dans l'ordre de la comédie dramatique, quoi. Mais c'est très chouette. On rit beaucoup et on pleure un peu aussi. Et puis non, c'est bien. Et je suis content de l'avoir vu maintenant, du haut de mes 30 ans, parce que je suis pile dans la décennie, au milieu des décennies traitées. C'est-à-dire que comme c'est des profs, il y a toute la dimension de l'alcool chez les adolescents, chez des gens qui ont 20 ans grand maximum, voire souvent un peu moins. Et il y a aussi, bah, vu que les héros sont plutôt des quadragénaires, il y a aussi eux, l'impact que ça a sur eux et tout. Et c'est, j'ai trouvé ça très vrai, très, très sincère dans la démarche, dans l'écriture des personnages et tout. Et moi qui suis pile entre les deux, j'y ai vu des choses dans le film qui ont fait écho à ma propre vie et tout. Et donc c'était vraiment chouette. Et juste petite réflexion comme ça en passant, ça reste un film de mecs blancs quadragénaires, quoi. C'est-à-dire que bon. Voilà. Je ne sais pas comment terminer cette phrase. C'est bien cette précision, parce qu'on ne sait pas du tout ça veut préciser, en fait. Non, mais c'est surtout que c'est... Pour moi, c'est universel, et puis après, je me suis dit, ouais, enfin, c'est universel en même temps parce que je m'identifiais au mec en question, parce que bah voilà. Mais je sais pas si c'est si universel que ça, j'en sais rien en fait. C'est pour ça, il faudrait poser cette question-là à des personnes de la gente féminine, bien sûr. Voilà. J'en ai discuté avec une pote qui l'a vu avec moi et qui a trouvé ça très bien aussi, donc comme quoi. Tu parles de fiction, tu dis oui. C'est une fiction, c'est parce que pour toi, n'avoir que 0,5 grammes, c'est impossible en Bretagne, donc personne n'a que ça en fait. Tout le monde est au-dessus. Bah on est, ouais, c'est-à-dire c'est que nous on se réveille le matin, on est déjà à 1 gramme, donc forcément. Mais ouais, non, mais alors voilà, donc ça c'était mon petit conseil ciné du jour. Et sinon, pour avoir parlé de 24 il y a quelques numéros, ça y est, je me suis fait la sixième saison, je l'ai terminée il y a pas longtemps, et donc après ça, voilà, moi j'ai décidé d'arrêter 24, c'est une très bonne fin pour moi, donc j'arrête, même s'il y a encore 3 saisons derrière. Mais du coup, je me suis remis à Prison Break, qui est aussi une série des années 2000, assez symptomatique et représentative de son époque. Et donc je viens de la commencer là, et c'est rigolo de revoir ça 15 ans après, c'est marrant. Est-ce que tu me ferais le plaisir de regarder The Shield ensuite? Tout le monde m'en parle, j'ai peur que ça ait un peu trop vieilli, parce que tu vois, je regarde donc 24 et Prison Break aussi par nostalgie. The Shield, je sais pas si c'est... J'ai un pote qui me l'a survendu aussi. Paraît que c'est très très bien. Mais... En fait, ce qui a vieilli à mort, c'est le côté, ils essayent de faire genre, c'est une série de flics en immersion, c'est dynamique et tout, et donc il n'y a pas un seul plan statique. Tout est fait. Ouais, tout à caméra épaule, comme caméra épaule, ça ouais. Bouge tout le temps. Le cadreur se retourne pendant les dialogues. Tu vois, il y a pas de champ contre champ. C'est le mec qui tourne autour des personnages. Du coup, il y a ce côté-là qui est un peu vintage. Mais en fait, tu sauras vite dans The Shield. Le premier épisode, il y a une scène d'introduction où t'as à la fois le discours du commissaire, qui est donc le discours très politique, et qui est entrecoupé de plans de coupe par l'équipe de choc, qui est dans une poursuite assez caractéristique de ce qui va se passer dans la série. Et donc, tu vas... Le ton, en fait, tu vas être fixé sur le ton dès les 3 premières minutes. Ouais. Et quand tu auras vu le premier épisode, tu sauras vraiment si la série peut te plaire ou pas. Mais tu as 2 points d'entrée, quoi. Et voilà. Et puis après, il y a plein de guests qui arrivent. La saison avec Forest Whitaker est mortelle, par exemple. Ah oui. Je me laisserai peut-être tenter, effectivement. Ah, mais Forest Whitaker en même temps. Oui. Et Glenn Close dans la saison suivante. Non, c'est très bien. Par contre, bon, c'est le mec qui joue la chose dans les 4 Fantastiques. C'est ça. les vrais 4 Fantastiques, hein, pas celui de Josh Trank. Avec ou sans le costume de la chose, du coup? Avec son costume. Ouais. On appelle ça de l'eczéma à l'époque, mais évidemment, c'était le début de son costume. Bref, voilà. Et puisqu'on est dans le vintage, j'en profite pour placer un petit truc. Il y a eu un événement sur le site des Restos du Cœur, il y a quelques semaines de ça maintenant, un truc qui s'appelle Radio Resto, et qui était un truc qui était fait à l'initiative de Laurent Petit-Guillaume. Chers amis des années 80, bienvenue dans vos souvenirs d'enfance. L'idée de Radio Resto, c'était de proposer 48 heures de radio avec des équipes et des gens historiques de la radio des années 80 et 90. Et Radio Resto, c'était mortel, c'était hyper bien. Alors il y avait des revivals d'émissions comme l'équipe d'origine d'Arthur et les Pirates qui ont été réunis pour refaire 2 heures d'antenne ensemble. Il y a eu un revival de Nagui et Manu qui était une émission culte de Europe 2. C'était tellement bien. Europe 2 et Virgin Radio, en fait, ils étaient pile au moment où ça a changé. Ils ont fait 2 ou 3 saisons et c'était pile au moment du changement. Donc ils ont fait une année à Europe 2 et après à Virgin Radio du coup. Yes. Voilà, il y a eu un peu de Max qui est pour plein de gens le meilleur de ces années-là, pas pour moi. Et il y avait plein de trucs un peu surprenants, genre il y a l'émission de hip-hop avec le mec dont j'ai fait le nom qui fait Fred Musa. Et c'était hyper bien. Et pourtant je suis pas du tout hip-hop, tu vois, mais il y avait un vrai feel good dans l'ambiance de l'émission, la musique était hyper bien et tout. Il y a une libre antenne qui était présentée par Willy Rovelli qui est un peu plus que simplement le mec qui fait le clown dans Fort Boyard. Bref, ça s'appelle Radio Resto, ça sentait bon les années 90 et les podcasts de tout ça sont dispo sur Radio Resto dans un moteur de recherche et vous allez pouvoir retrouver tout ça. Ce qui va nous permettre de continuer à faire de la FM des années 90 puisqu'il y a Starflord sur Twitter qui nous voulait notre avis sur les comics indépendants, hors Marvel ou DC. J'ai pas plus d'informations que ça, donc les comics indépendants hors Marvel ou DC. Et je me suis dit un truc comme ça où t'as une question qui veut rien dire. C'est exactement ce qu'on faisait dans les débats de Gérard en fait à l'époque où c'était cette émission trash de fin de jeudi soir qui passait sur Fun Radio. Donc je vous ai préparé 5 petites questions façon de débat de Gérard pour qu'on puisse parler ensemble des comics indés. Par exemple, les comics indés, est-ce que vous êtes pour ou contre ou autre et pourquoi? Moi, je propose qu'on appelle Madame Elhumain pour lui demander. Oui. Moi je suis pour. Bonjour. Si c'est du vertigo. Ah oui. C'est quoi du vertigo? Alors vertigo, c'est un feu, un ancien imprint de chez DC Comics. Et alors qu'est-ce qu'un imprint, Yanda? Dis-nous tout. Allez, jargon. C'est une poupée gigogne de jargon, ce truc. En fait, c'est un genre de sous-label de DC Comics, c'est-à-dire que c'est un sous-label de DC, donc ça fait quand même partie de la maison mère DC. Mais un sous-label, mais du coup à plus ou moins de 0,5 grammes? Ouais, et bien ça dépend. Mais ça dépend, ça dépasse. Donc voilà, je m'étouffe. Pardon, avec vos conneries. Désolé. On a plus le droit, hein. Ça dépend, ça dépasse. C'est vrai c'est une rêve qui a 40 ans. C'est banni? En vrai, non mais ça a 40 ans, Yanda, t'imagines? Ça a plus de 40 ans. Parce que 40 ans, c'était en les années 80. Donc bah oui, le film, c'est les années 80. Ça dépend, ça dépasse. Le film du Père Noël est une ordure, c'est les années 80. Mais la pièce de théâtre, elle est avant. Ah, ça doit être 77, la pièce de théâtre. Ah, fact checker. Mais j'aurais dit ça aussi, mais allez, pour votre plaisir, le Père Noël. Vas-y, du coup, je te couperai la parole, Yanda. Très bien, merci. Pour dire, voilà. Et donc Vertigo est un label de DC qui a été géré d'une main de maître par Karen Berger et qui a notamment contribué à ramener dans l'industrie du comic books américain. 1979. Merci. qui a contribué à ramener dans l'industrie du comic book américain toute une vague d'auteurs britanniques comme des petits noms viteuf du type Alan Moore, Grant Morrison, Neil Gaiman aussi. Voilà, des petits gars. Des gens sans grand talent. Ouais. Du coup, ça a fait des séries comme Swamp Thing, ça a fait la BD adaptée de la série Doom Patrol, tout ça. C'est ça, Hellblazer. V pour Vendetta. Animal Man, V pour Vendetta, tout ça c'est sorti sous l'imprint Vertigo, les grandes heures, La série Hellblazer, qui est donc la série comics dédiée au personnage de John Constantine, qui est apparue pour la BD du film. Non. La BD de la série. Keanu Reeves. Avec Matt Ryan. Le personnage de John Constantine, qui est apparu pour la première fois dans les pages de Swamp Thing, et qui est d'ailleurs la série Hellblazer, qui est la série régulière la plus longue de Vertigo, puisqu'elle avait atteint les 300 numéros. 300 et quelques, 300, je sais plus le nombre exact, mais voilà, c'est la série de John Constantine qui est la série la plus longue en continu chez Vertigo, mais qui a fermé ses portes, qui a été fermée par DC il y a quelques mois maintenant, après le départ de Karen Berger il y a quelques années maintenant, de faire 2 ans, 2-3 ans je dirais, et du coup le label est vraiment tombé déjà en termes de vente. Ils ont fait quelques tentatives, mais ça n'a vraiment pas pris. Et puis la ligne du coup éditoriale de ce label était devenue beaucoup plus confuse. Donc c'était compliqué. Et à aujourd'hui, les grandes licences ont été ramenées dans le giron principal de DC Comics. Et puis le reste, terminé, on ferme. Bonsoir, rideau. Terminé, bonsoir. Voilà, comme disait Chris quand il est à son garage et que vous allez faire dépanner votre voiture. Cassez-vous de là, il n'y a rien à voir. Sauf pour aller faire caca dans mes toilettes derrière. Est-ce que le Black Label, c'est pas un peu la continuité de ça quand même? Il y a quand même cette volonté un peu adulte, un peu plus trashouille, même si c'est pas, ça sera peut-être pas aussi, aussi hardcore que des trucs comme Preacher évidemment, mais c'est la volonté pour DC de garder un label un peu adulte. Ça serait l'héritage, je dirais. Ce serait l'héritage, voilà. Parce que. C'est un peu compliqué leur gestion du Black Label. Après le problème avec le Black Label, c'est qu'il y a eu le problème de gestion décisionnaire au niveau des budgets. J'ai plus le nom de la nana qui a été nommée à la tête de Warner, si je dis pas de bêtises, et qui du coup qui n'aime pas les Bat Zizi, qui a fait tout un scandale à la sortie du numéro 1 de Batman Damned par Liber Mero et Brian Azzarello, et qui du coup a quand même mis un grand coup de pied dans la ligne éditoriale vendue du Black Label, à savoir un label pas indé mais adulte, où les auteurs et dessinateurs ont carte blanche pour les histoires et pour les dessins. Vraiment, voilà, on peut aller sur du trash et du gore ou de l'horreur, il n'y a pas de limite. Et puis le premier truc un peu touchy, et encore que pour nous avec la culture du franco-belge c'est très loin de l'être, ça a été tout de suite un tollé outre-Atlantique. D'ailleurs, j'y repense maintenant. Le bat chibre. Ouais. Et puis, vu que je check fact et que après je laisse la parole à Chris que j'ai honteusement coupé à l'instant, il s'agit de Anne Sarnoff, la directrice de Warner Bros. Voilà. Ok, bah on l'emmerde. Je disais donc, ouais, ce qui m'a marqué, justement récemment, j'y repense parce que tu en parles, dans Harleen, il y a. Oh, c'est pas des scènes explicites, il y a une mais touche. Il y a quelques scènes un petit peu de sexe, hein, disons-le tel quel. Il y a notamment une scène à peine masquée de masturbation. Alors il n'y a pas de gros plan gynécologique, hein, c'est pas Pornhub. Faut vraiment que j'aille acheter ce bouquin. Non mais c'est très très bien en plus. Mais du coup la question sexuelle, on va dire, est évoquée sans gêne parce que c'est Stjepan Cicic derrière et que très clairement lui fait de la BD érotique, non pas pornographique mais érotique, notamment avec Sunstone, et donc il a visiblement eu carte blanche pour donner une vie sexuelle à Harley Quinn et au Joker, ce qui n'est pas forcément évident puisque en général les personnages de comics, les super-héros sont quand même assez asexués, même s'ils ont des vies sentimentales, ils n'ont pas de vie sexuelle, en tout cas on la voit pas, on sait pas comment ils font les enfants, tout ça c'est la magie de la BD. Du coup ça m'a étonné, en fait je me suis dit pourquoi on peut pas montrer l'ombre du zizi de Batman, ce qui tombe plutôt bien parce que Batman c'est l'ombre, la chauve-souris, Bat-Signal, bon, l'ombre de son zizi ça passe, mais par contre bon finalement montrer que Harleen et le Joker peuvent coucher ensemble, c'était pas problématique. Mais c'est vrai que c'est souvent la sexualité de Batman qui pose problème, puisque déjà il y avait une scène dans la série Catwoman qui avait elle-même causé quelques remous. Oui, c'est vrai, c'était au début New 52. Premier numéro New 52, ouais. Alors que. Mais bon, oui, là on était dans la. Pardon, excuse-moi, Valentin, je te coupe salement. Vas-y. On était dans une ligne un peu plus grand public. La ligne New 52, c'était pas du tout vendu et présenté comme un contenu adulte et. Explicite. Et disposant d'une liberté artistique complète. Et je reviens juste sur un point, du coup, je me suis trompé. Ce qui a engendré, du coup, un fact-checking. Oui. Non, j'avais pas coupé beaucoup de monde depuis tout à l'heure, donc je me suis dit que c'était le bon moment de couper quelqu'un. Chier, c'est toujours les mêmes qu'on coupe. Merde. Ah, c'est tout ? C'était juste pour me couper en plus. Ah oui, c'est ça. D'accord, d'accord, ok, excusez-moi. Du coup, donc, voilà, je me suis trompé, c'est pas la présidente de Warner, c'était la présidente de DC. Et du coup, qui s'appelle Pam Lee-Ford. Je viens de vérifier. Bah, on l'emmerde aussi. Donc c'est elle qu'on emmerde. C'est elle qui a clairement fait des pieds et des mains pour cette histoire, notamment de Bad Zizi, puisque Brian Azzarello l'a dit dans plusieurs interviews, et notamment dans une interview de nos amis journalistes de chez Comics Blog, où il expliquait que lorsque, dans son script, il avait indiqué que Bruce Wayne était nu et que voilà, c'était voulu. Intentionnel et qu'après il avait fait confiance à Liber Mero pour l'interprétation de ce script et d'en faire ce qu'il voulait. Tout le monde, lorsque Liber Mero avait rendu cette page, tout le monde l'avait vu, tout le monde était au courant de la façon dont c'était représenté et que ça n'avait posé aucun problème. Et que du moment où c'est sorti et qu'il y a eu un tollé, et derrière Pam Lee-Ford qui est arrivée et qui est entrée en fonction à la tête de DC Comics le jour de la sortie de Batman Damned numéro 1, bah du coup ça a vrillé quoi. Donc c'est elle, c'est sa faute. C'est assez paradoxal parce que on reproche souvent à la BD américaine d'hypersexualiser les femmes et là pour le coup pour une fois on montre un personnage masculin à poil et c'est une femme qui est à la tête de DC Comics qui pousse la censure. Donc est-ce que en l'occurrence il était hypersexualisé dans cette scène là Bah, il est pas hyper sexualisé, il est à poil. Est-ce que tu rigoles, il a une top de 47 cm. Qu'est-ce qu'il faut pas, du coup, j'ai même pas vu moi la page, je crois. Mais en fait, est-ce que c'est est-ce qu'être nu, c'est être hyper sexualisé? Finalement, est-ce qu'une pose hyper lascive d'un personnage habillé n'est pas plus gênante et plus déplacée qu'un personnage nu, mais on va dire dans une situation commune tu vois, en fait, oui, c'est marrant parce que du coup, ça dérange. Alors que on montre à longueur d'année des meufs dans des postures intenables et que en fait, bah personne, enfin la patronne de oui, DC mais Comics, tu vois pas de tétons. Tant que tu vois pas de tétons, c'est pas grave. Ouais, bah après c'est la mentalité américaine, ouais, c'est voilà, typiquement américain, voilà. Mais c'est en fait, c'est tu vois, si on va chercher la morale derrière, c'est complètement. On est, bah, évidemment. C'est perché quoi. Voilà. À côté de ça, t'as des titres. C'est ce que c'est dans le premier Gen 13, il y a un peu ça. Il y a des titres comme Exposure ou des trucs un peu comme ça pourris des années 90 où les meufs se retrouvent avec des t-shirts qui sont complètement arrachés. Et en l'occurrence, les lambeaux de fringues ne tiennent que parce qu'ils sont accrochés aux tétons quoi. Qu'ils doivent être des tétons très rugueux pour tenir des bouts de t-shirt pour pas que ça tombe. On scratch. Des tétons, on scratch. On part d'une question nulle et on est à un débat sur l'hypersexualisation des personnages. Il me reste 4 questions nulles. Je pense qu'on va faire de la philosophie dans quelques temps. Non, mais c'était bien. Ne t'excuse pas. Si je m'excuse, tu sais. Peut-on aller en vacances avec des comics indés ou autres? Est-ce qu'on part en vacances avec des comics indés ou autres? Peut-on aller en vacances avec des comics indés ou autres? Ah bah tu fais ce que tu veux mon grand, c'est... Ah bah non, c'est pas du tout, non, moi c'est pas ce que je fais moi, c'est ce que vous faites, c'est ça la question. Ah... Eh oui. Bah oui, on peut partir avec tout, non. Avec tout ce qu'on veut. Non, je refuse, non, on peut pas. D'accord. Bon bah tant pis, à bientôt. Moi je te dirais de te dépêcher de partir en vacances parce que tu risques d'y rester avec le reconfinement, donc choisis bien ta destination. Non, le président il a dit qu'on pouvait. Ouais, faut juste être rentré avant 19 ou 21h, voilà. Ça dépend. Donc prends pas un virus, prends un single. Le coronavirus est nocturne, tu ne le sais pas encore, c'est un peu comme les vampires en fait, les gens qui ont le coronavirus, ils sortent la nuit et tout, pour te mordre. Mais du coup, qui a inventé les comics indés et en quelle année et pourquoi? Oh là là, c'est question pour un champion ou quoi là? En fait, la bande dessinée indépendante, sans trop m'avancer, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur les bibles de Tijuana. Pas de pub. Parce que t'as travaillé à Tijuana aussi, pour le préciser. Oui, tout à fait, oui, ouais. Alors c'est une longue histoire. Il a été douanier, ouais. C'est une longue histoire. Mais d'ailleurs, le douanier Rousseau, c'est lui. Ça devient n'importe quoi cette émission. D'ailleurs, on appelle ça des bites de Tijuana, alors qu'en fait, ça vient pas du tout de Tijuana, mais je l'explique dans la vidéo. Donc, j'invite les gens à aller voir cette vidéo qui s'appelle l'histoire secrète de non l'histoire interdite de Mickey Mouse. Je sais plus comment elle s'appelle en fait. Allez voir cette vidéo. Bref. C'est sur la chaîne Comics 13 avec un X au milieu. Tout à fait. Du coup, je pense, sans me tromper, que en fait, la BD indépendante naît principalement de la volonté de contourner justement des interdictions vis-à-vis du sexe, vis-à-vis de thèmes qu'on ne peut pas aborder dans la bande dessinée mainstream, et que ces fameuses bibles de Tijuana sont peut-être les premiers exemples de ce qu'on appellerait de la bande dessinée indépendante aux États-Unis, sachant qu'en fait, on oppose souvent aujourd'hui l'indé aux comics de super-héros, alors que le comics de super-héros n'a pas été le genre prédominant ad vitam de l'existence de la bande dessinée américaine. C'est-à-dire qu'il y avait déjà d'autres types de personnages dans la BD américaine au départ, et que à certaines époques, les super-héros sont plutôt dans le creux de la vague, alors que d'autres genres prennent le dessus. Mais ouais, en fait, la BD clandestine, et souvent clandestine parce que abordant des sujets un petit peu touchy, et ben du coup, c'est peut-être les premiers exemples de bande dessinée indé. Voilà. Et après, il y a des trucs comme Zap Comics. Après, il y a eu la 2D, la 3D. Du coup, c'était de mieux en mieux, quoi. Mais c'est vrai qu'au début, il y avait les comics 3D, c'était mieux que les comics 1D. T'as raison. Absolument. Si vous êtes ces comics en odorama, ça existe, la BD en odorama. Je me souviens notamment de pages de Picsou Magazine qui étaient parfumées. C'est genre, il y avait des pages. C'était genre le numéro qui pue, et toutes les pages de Picsou Magazine puaient. Ça existait vraiment. Voilà. Oui. Parce que ça si, sent aujourd'hui. Je l'ai eu celui-là. Absolument. Et tes doigts sentent encore le Picsou Magazine ? Ouais, ça sentait l'urine, c'était dégueulasse. En fait, ils frottaient chaque numéro à un SDF avant de le mettre en kiosque. Mon dieu. Je ne cautionne pas cette vanne. Si, ça passe. Pas en public. En privé, oui. Allez, ça passe. Ça va, juste avant, j'ai lâché un truc super intéressant sur la BD indé, mais vous écoutez pas. Voilà, donc je veux dire, j'ai le droit de faire des blagues. Et que ça, par contre, vous entendez. Alors, ça, dès qu'on dit un truc un peu déplacé, là, tout le monde est là. Hein. Tu parlais de Zap Comics. Il y a un truc qui est une compile qui est sortie en français chez Stara, ouais, c'est ça ? T'as lu exactement. Ça ? C'est bien. C'est un peu quand même décalé. En fait, c'est une première intégrale qui a été faite par Stara et qui a été d'abord distribuée par financement participatif. Et pourquoi qu'est-ce qu'il a Je suis désolé. J'ai voulu faire une vanne, mais elle, au moment de sortir, elle est restée. J'allais dire Stara. Il a déglutit sa vanne. Ouais, bah oui, voilà. Princesse Star là et Joyeux Magique, évidemment. Mais en plus, j'ai tout de suite su, tu vois, ce que tu allais dire. Donc, c'est terrible. Excusez-moi. C'est terrible. Mais j'aimais bien Princesse Star là. C'était pas si mal que ça. On aurait dû en parler avec Archeo Toys. Et ouais, en fait, c'est vraiment un des premiers exemples de BD indé qui se permet d'aller dans le politiquement incorrect, d'aller taper un peu sur la religion, sur les hommes politiques, tout ça, un peu à l'image de Mad Magazine aussi, qui est assez connu aux États-Unis, et d'aller aussi dans l'absurde, d'aller dans des trucs un peu surréalistes, un peu perchés, avec toujours des fois un message de fond un peu social et politique. Évidemment, on n'est plus du tout dans le cadre de la bande dessinée de super-héros. Voilà, c'est un style graphique qui se rapprocherait un peu de gens en France comme Edika, enfin de toute la bande de Fluide Glacial ou des choses comme ça. Tu vois, on n'est pas trop dans un style très formaté de bande dessinée de super-héros. Mais ouais, alors là, c'est des exemples un peu plus concrets parce que c'est vraiment les débuts, on peut dire, de la bande dessinée indépendante où les mecs vont un peu financer ça par eux-mêmes, etc. À l'origine pure et dure, ouais, je pense que c'est des trucs faits et distribués sous le manteau, la vraie bande dessinée indépendante, c'est-à-dire celle que vraiment personne ne voulait distribuer. Et après, effectivement, derrière, tu vas sur des choses quand même un peu moins trash, qui ne sont pas illégales, contrairement à la pornographie dans les années 30 aux États-Unis, et là, vers des gens, effectivement, qui ont trouvé des modes de financement un peu alternatifs, ou qui vont se regrouper avec d'autres auteurs pour pouvoir sortir un bouquin qui va justement un peu casser les codes et tout, quoi. Bon, peut-on prendre des comics indés en euros et pourquoi ? Peut-on prendre des comics indés en euros et pourquoi ? Hein ? Je comprends pas la question non plus. Bah non, mais c'est ça. Non, mais c'est les débats de Gérard, c'est ça, exactement. C'est des questions qu'on comprend pas. Et des réponses à la fois pertinentes et impertinentes. Ah. Eh oui. Eh ben. Alors est-ce qu'on je ne regrette pas de venir dans cette émission. À chaque fois, je suis de plus en plus étonné. Oui, d'accord. Est-ce qu'on peut tromper une fois ? Non. Attends. Non. Alors, on peut. Alors, ah, si, oui, ah, oui, c'est ça. On peut tromper une fois 1000 personnes, mais on ne peut pas... 1000 fois 1000 fois... Mais du coup, si on l'applique dans une suite logique exponentielle et décroissante, ça voudrait dire que des comics indés, mais en euros... Non, attends. Si on fait du comics euro comics... en indé, non plus. Attends. Du comics euro, mais en Inde. Le pays. Ah oui. Et là, bon, ça, ça peut fonctionner. J'ai un SMS de Madame Éluin qui me demande combien ça fait de comics en ancien franc. 10 plaques. Moi, quand j'étais face à ce genre de problème et de insoluble, un peu, j'avais une fonction sur, il y avait un bouton sin sur la calculatrice, la TI-80, et du coup, ça permettait de, ça te donnait un chiffre. Et en général, ça passait avec tout. Du coup, appuyez sur sin chez vous et vous aurez peut-être la réponse à cette question. Enfin, est-ce qu'on peut faire l'amour avec un comic scindé dans la boîte à caca? Ah, dis donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Au secours! Au secours! Je suis perdu! Je suis perdu, au secours! Aidez-moi, sortez-moi de ce podcast! Bref. Vous n'oublierez pas, en sortant, de remercier Starflord pour cet excellent, excellent moment consacré aux comics indépendants. Et bien sûr, vous n'hésitez pas à nous laisser des idées de sujets, de débats, de tout ça. Cela dit, un single bien roulé, ça passe, je pense. Allez, il faut chercher. Il y a des comics indés de Marvel. Attends, je retrouve ça. Il est parti. Il fait une contre-soirée. C'est Radio Comics. Mais c'était. Il y avait des comics indés. Il y a un truc qui s'appelait Comic Books, édition Stara. Et c'était des comics indés publiés par Stan Lee, qui voulait faire du PES quand il avait vu que ça marchouillait un peu. Putain, faudrait que je relise ça. Bah, je vais relire ce truc. Je vais. En direct. On en reparlera la prochaine fois. Voyage au bout de la nuit avec Matt. Mettez pause à l'enregistrement, je lis ça et puis on en reparle. Non, ça a l'air bien. Enfin. Un peu. C'est subjectif, quoi. Évidemment. Et objectivement, ça donne quoi? Objectivement, je sais pas si je peux être objectif puisque je suis un influenceur comme les autres et il paraît qu'on est tous subjectifs. Donc j'en sais rien. Objectivement, ça ressemble à un livre. C'est objectif. C'est un livre. Absolument. Voilà. C'est objectif. Mais est-ce qu'en tant qu'influenceur, t'es supposé être objectif? Ou est-ce que c'est normal que tu sois subjectif? Ah non, moi je pense que c'est normal que je sois subjectif. Moi c'est d'ailleurs le propre de ma ligne éditoriale personnelle. C'est-à-dire que j'ai essayé, quand j'ai fait des chroniques, notamment dans ce podcast mémorable et extraordinaire, La Sélection Comics, qui a fait ma légende. La Sélection Comics est finie en 2014, donc est-ce que vous pouvez me laisser avec ça? Est-ce qu'on peut passer à autre chose en fait maintenant? Non, mais c'est aussi ce que je demandais sur lescomics.fr quand j'avais la chance et le plaisir d'être un peu rédacteur en chef, gérant, taulier de ce site, c'est de faire des critiques dans lesquelles tu expliques pourquoi est-ce que ça te parle ou ça te parle pas, qu'est-ce qui rentre en résonance avec toi, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a pas plu. Et c'est compliqué de dire objectivement ce bouquin est bien ou ce bouquin est pas bien, tu vois. Tu peux parler que de ta propre interprétation. Au bout d'un moment, oui, et c'est ça, c'est impossible d'être objectif. Tu peux être objectif quand tu énonces un fait. Tu peux dire ma quéquette fait 8 cm au repos, c'est un fait, je l'ai mesuré, c'est objectif. Par contre, là où tu vas dire j'ai c'est une super grande quéquette, honorable, là, voilà, c'est subjectif. Là, c'est subjectif parce que ce n'est pas un fait que tu peux. Voilà. Donc, au bout d'un moment, quand tu dois donner un avis sur une œuvre ou quelque chose, tu es forcément subjectif. L'objectivité n'existe pas, ce n'est pas possible. Tu peux dire ce film est français parce que objectivement c'est un film français, si après tu dis je trouve que ce film est très bien, c'est forcément subjectif et faux d'ailleurs, parce qu'un film français, bon. Et d'un autre côté, si tu dis je trouve que ce film est français, en général c'est pas souvent un compliment. exactement. Cela dit, je ne le pense pas, hein, y a de très bons films français. Tu penses à Salut les cons, le film de Dupontel? Adieu les cons, que je n'ai pas encore vu, mais que j'ai hâte de voir. Je pense que c'est très bien. Voilà. Mais moi, c'est subjectif, par exemple. Hein? Je pense que c'est très bien, ouais. Effectivement, c'est subjectif. Et j'irai jamais dire. Si parfois ça m'arrive de dire. Je dis jamais ça, c'est une merde. Je dis souvent, je trouve que c'est de la merde. Par contre, j'ai souvent tendance à dire c'est très bien au lieu de je trouve ça très bien. Pas, attends, je ne suis pas si catégorique. Si je t'offre le dernier album de Larousseau, tu vas me dire ça, c'est une merde. C'est ça. Il y a quand même des exceptions. Si je te montre des photos de Cacastagram, tu pourras dire. Ça c'est génial. Mais oui, ça sera objectif. Oui, objectivement, c'est une merde. Absolument. Ça sera objectif. C'est vrai. Ah là là, où allons-nous avec ça? En fait, je pense que la vraie différence, c'est que l'objectivité totale, forcément, déjà, si tu fais un minimum de critique, ça peut pas exister, puisque le but, c'est de donner ton avis. Donc, un avis, ça peut pas être entièrement objectif. Objectif, c'est un fait. Y a pas de, tu vois. Ça peut pas être totalement objectif. Cela étant, je pense que tu peux toujours modérer ton propos en disant « je n'ai pas aimé, mais ça s'adresse à tel ou tel type de lecteur ». Enfin, moi, je sais que quand je parle d'un bouquin, je vais essayer de dire, même plus qu'à la limite mon avis, à qui ça s'adresse, parce que je trouve ça plus intéressant de savoir si t'es ou pas le public visé. Très clairement, quand tu parles d'un truc plutôt orienté teenager, plutôt un truc voilà, il y a beaucoup de young adult maintenant qui débarquent chez les éditeurs, chez Urban avec Urban Link, chez Panini aussi, il y en a eu pas mal, chez Glénat il y en a aussi. Très clairement, ça vise un public très particulier, plutôt jeune, plutôt ado, voire pré-ado même en fait. C'est un peu le S Club 7 du comics, tu vois. Quelle drôle de comparaison. Et donc, est-ce que tout le monde a une image de S Club 7 à ce moment-là? Est-ce que tout le monde J'ai eu la chanson moi, en tête directement qui s'est déclenchée. Tu peux... Non, on te demandera pas de la chanson. Non, merci. C'est quoi Don't Stop, c'est ça? Je me souviens pas. Je ne sais pas du tout ce qu'il chantait. Et en fait, évidemment, moi, quand je lis ça, ça ne me parle pas plus que ça. Parce que je suis trop vieux, parce que j'ai déjà lu des histoires comme ça 20 fois, et parce que j'y trouve rien d'extrêmement original. Et que tu n'aimes rien. En plus, mais des fois, je trouve ça très bien dessiné, je trouve ça très bien raconté, mais voilà, objectivement, pour le coup, c'est pas fait pour moi. C'est clairement, je suis pas le public visé. Maintenant, ça empêche pas d'en parler et de dire, par contre, si vous avez, je sais pas, entre tel âge et tel âge, si vous avez jamais ouvert un comics de votre vie et que vous cherchez un truc facile d'accès et plutôt frais et pas trop prise de tête et qui t'oblige pas à plonger dans un univers étendu de dingue, c'est pour vous. Et je pense que la limite, elle est là, c'est de pas dire, enfin, si tu dis aux gens, ouais, tout est super, tout est génial, forcément, c'est que, ça ne peut être que subjectif, parce que si tu trouves tout bien, c'est que t'es pas difficile, en fait. C'est évident qu'il y a des trucs qui, enfin, normalement, dans la vie, il y a aussi des trucs qui te plaisent pas. Donc, je pense que l'important quand on parle de quelque chose, c'est de savoir dire aux gens, ça va vous parler si vous avez tel type de goût ou tel type d'attente. Oui. Oui. Mais après, en fait, c'est drôle. Tu n'as pas l'air convaincu, Matt. Non, j'étais sur les photos du S Club 7 et du coup, j'écoutais pas Chris. Non, mais après, je pense que sur un Internet notamment, mais même sans aller sur les degrés d'influenceur ou même à partir du moment où tu es juste un fan de quelque chose et que tu as envie d'en parler, tu peux pas être objectif. Et c'est pas le but du tout, au contraire quoi. Et c'est très drôle alors de voir pour le coup au niveau des influenceurs, des gens attendre que leur influenceur ou influenceuse préférée soit objectif. Clairement, ce n'est pas possible. Et tant mieux, parce que il faut aussi prendre en compte, comme vous le disiez jusqu'à présent, et je suis d'accord avec vous, que alors encore plus sur des sujets comme les comics ou des sujets culturels. Il y a le fait que ça te parle à toi pour une raison qui va faire que à Pierre, Paul ou Jacques, même s'ils se mettent à chanter ensemble et qu'ils forment un super groupe qui s'appellerait Pierre, Paul, Jacques. Mon Dieu, j'étais pas prêt. Excusez-moi, j'ai dérapé. On n'a pas de news de Pierre, Paul, Jacques d'ailleurs. Mais si, j'ai vu passer une interview sur Combini il n'y a pas longtemps. Je sais pas s'il a parlé de ça. Ah oui, c'est vrai, exact. Est-ce qu'il a dit ce qu'il faisait là? Il parlait de cannabis, si j'ai pas dit. Il avait les cheveux courts, j'étais déçu. Non, c'était l'interview sandwich. Il parle pas de cannabis, qu'est-ce que tu racontes? Oui, voilà, oui, il parlait de sandwich. Excusez-moi, oui, pardon. C'est vrai. Mais du coup. Sandwich au cannabis, drôle de recette. Mais du coup, c'est pas possible, effectivement, d'être objectif et d'être factuel avec quelque chose qui va aborder qui va être de l'ordre du ressenti et de ton avis personnel. Ça n'est en aucun cas un avis que vous pouvez lire sur internet n'est en aucun cas une vérité universelle et ne peut être asséné comme tel. Si la personne dit non mais moi je suis objectif parce que je trouve que ça c'est de la merde, ou je suis objectif en te disant que ça c'est très bien, c'est du non-sens parce que c'est complètement subjectif. Et il y a une espèce d'illusion, j'ai l'impression, un peu fantasmée par les gens qui aimeraient que les influenceurs et qui attendent des influenceurs une objectivité absolue et sans faille. Mais non. Oui, qu'il y aurait une parole universelle et unique qui prévaudrait par rapport aux autres. Mais non. Absolument. Du coup, est-ce que tu penses que les influenceurs font des devis pour un avis objectif et des devis pour des avis subjectifs en fonction du... Alors, il peut y avoir une majoration, si tu veux. Effectivement, un avis objectif, c'est plus cher. Voilà, c'est par contre... Ça doit être ça. C'est comme si c'est dans une autre langue, c'est plus cher aussi, tu vois. C'est pas le même prix, forcément. Mais en fait, ce qui est compliqué là-dedans, c'est que objectivement, je suis souvent d'accord avec moi-même. Et donc, quand je pense quelque chose, en général, j'ai raison, tu vois. Du coup, c'est cette barrière-là qui fait que après, on s'enflamme. Tu dis, ouais, bah, bon, et bah ça, c'était un bon film. Ou ça, c'est un disque vraiment bien, ça. Et en fait, c'est ce truc-là. T'es complètement biaisé par ton propre avis, en fait, par l'influence que tu peux avoir sur toi-même. Et t'es blessé parce que quelqu'un qui va le remettre en cause, il remet même pas en cause... la qualité du produit ou de ce dont tu parles, il te remet toi. Il dit, c'est toi, tort. Quoi. Ouais, c'est toi. Il vient te contredire toi. Tu sais qui je suis, moi. Un peu comme les gens qui aiment pas les pizzas à l'ananas, quoi. C'est pareil. Ouais, mais ça, objectivement, c'est dégueulasse. Et on l'a tous goûté pour te faire plaisir. Non. On a tous toujours refusé à goûter cette merde. Il y a que toi qui. C'est pas possible. Y a personne que Matt ne fait cette voix. Je me respecte un minimum. J'ai hésité, mais non, merci, ce sera non. Hier, mangé un rougail saucisse, les gars, c'était excellent. On pourrait faire une expérience pour un prochain épisode de l'Estaminerd, c'est-à-dire qu'on se met d'accord tous sur une date, et ce soir-là, chacun commande une pizza pour quelqu'un d'autre. Trop bonne idée. J'appelle genre un pizza Domino de Rennes et je fais livrer un truc chez Val. Toi, t'appelles un pizza Domino de Bordeaux qui fait livrer un truc chez Yanda. Et on fait tous livrer notre propre recette. On doit la manger et on débrief. Il n'y a pas de Domino's qui peut livrer Chris au Guatemala, donc c'est emmerdant. C'est vrai que c'est un peu chiant, quoi. Ils font des livraisons à dos de Wombat. Et oui, pourquoi t'as choisi d'être gardien d'eau au Guatemala, Chris? C'est très très compliqué. Bon, après, il a toujours sa chaîne de pizzeria à lui. Oui, donc c'est après, vrai. Bon, très juste. Dans le pire des cas. Mais cela dit, je trouve l'idée mortelle et je suis chaud. Je suis là pour le coup, je suis aventurier. Chris Pizza Club. Alors, ne sois pas trop aventurier parce que je te rappelle que ça. on peut faire des pizzas où tu composes et tu mets tes propres ingrédients. Il y a pas de. Bah ouais, ça coûte plus cher. C'est pas moi qui paye, donc c'est pas grave. Ça va faire un bien bel assemblage. Tu vois, je serais en train de manger ma pizza avec dégoût, mais en même temps, je me dirais, ah, je m'en fous, il a raqué l'enculé. Ah. Et du coup, alors à ce moment-là, quand tu parleras de ton expérience. Quand tu parleras de ton expérience avec cette pizza, est-ce que tu en parleras de façon objective, genre la recette de Matt était dégueulasse, ou alors de façon subjective, bon, il s'est quand même, il a essayé des trucs, puis on a passé une bonne soirée, on a bien rigolé, à chaque bouchée, un nouveau cancer, c'était sympa. Bah, ce sera forcément subjectif, mais puisque mes papilles sont, j'ai des papilles non pas gustatives, mais subjectives. Non, je ne sais pas, pardon, enchaînez vite s'il vous plaît. Ah, il y avait un jeu de mots à faire, mais il est pas bien passé là. Non, c'est ça, c'est ça, c'était pas assez préparé, c'était objectivement mal préparé. Oh, subjectivement, je te pardonne. Où est-ce que tu voulais aller avec tout ça, Yanda? Mais non, c'était dans le... C'était mal amené, d'accord, ok. Non, et ben voilà. Ah non, non. Super. Non, non. La transition a été telle une passe décisive en profondeur dans la surface pour le numéro 10, le numéro 9 plus exactement, le buteur, qui a enchaîné d'une frappe et d'une reprise de volée extraordinaire. Non, en fait, l'idée, c'était vraiment de casser... Enfin, je trouve que c'est normal et que c'est quelque chose qui doit être mis en avant, que à partir du moment où tu t'exprimes sur Internet, même pas les influenceurs, mais à partir du moment où tu viens donner un avis sur quelque chose sur Internet, t'es forcément subjectif. Et tu n'as pas à être objectif. Quelqu'un qui est objectif, c'est un journaliste. Un journaliste qui vient relater un fait précis. Jean-Pascal Pro ? Il est objectif parce que, quelque part, c'est son métier de l'être aussi. Il y a des journalistes Chris. Il y a des journalistes, ouais, il y a des journalistes qui sont subjectifs. Ah mais tu sais, chez BFM, ils sont un peu durs avec nous. Ils nous laissent pas dire ce qu'on veut. Mais en même temps, t'as arrêté de faire des piges pour eux maintenant, vu que t'es résident chez MTV. Mais du coup, c'est à partir du moment où t'es pas un journaliste, t'as pas à être objectif et t'as pas à t'imposer de l'être, et les gens n'ont pas à attendre que tu le sois. C'est normal que tu sois subjectif, et quelque part, tant mieux, parce que le fait d'être subjectif dans un avis ou sur quelque chose que tu vas émettre, eh ben, ça incite à la discussion. Alors après, il faut effectivement avoir des gens en face qui soient capables de discuter avec toi et d'échanger avec des points de vue différents, mais ça, c'est un autre débat. Mais c'est normal d'être subjectif dans ce que tu vas présenter. Et je pense que l'idée, c'était vraiment de casser ça. Pardon. Non, mais l'idée, c'était de casser ça, point. Voilà, j'ai terminé. Merci, bonsoir. Je pense que tu peux quand même mettre de la subjectivité, même en étant objectif. Tu parlais de l'exemple du journaliste, c'est exactement ça. Quand tu vas, par exemple, relater le fait qu'il y ait une grève, on va toujours donner la parole au « Ah bah il y a une nouvelle grève de la RATP et de la SNCF. Ah bah regardez, c'est quand même chiant pour les usagers. Hein. Monsieur, vous allez au travail ? Ah bah oui, je te donne au travail, puis c'est quand même un peu chiant pour nous. On nous prend en otage, c'est vraiment « Merci la France, avec les impôts qu'on paye quand même. » quoi. Et à aucun moment, tu prends un gréviste pour dire « Bon écoutez, d'accord, vous êtes en train de faire chier tout le monde, pourquoi vous faites ça ?» Et les mecs pourraient te dire, en fait, tu vois, t'as jamais les deux sons de cloche. À chaque fois, même si le journaliste reste objectif, c'est la grève, et qu'il est censé rester neutre, le fait qu'il choisisse ses intervenants subjectivise son propos. Ouais, alors je suis pas d'accord, parce que l'autre jour, ils ont libéré une otage, là, ça faisait 12 ans qu'elle était prisonnière, là, je sais plus dans quel pays. Premier truc qu'elle a dit à la presse, c'est « Oh vraiment, je me croyais à la RATP, c'est un scandale !» Donc bon, voilà quoi, il y a quand 12 même... 12 ans pour rentrer, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il y a quand même des signes, quoi, je veux dire. Et tu remarqueras que elle, quand elle a été libérée, on l'a interviewée pour avoir son avis et tout, alors que les preneurs d'otages, eux, ils ont pas eu de micro. Ça, c'est dégueulasse. En même temps, tu vois, quand Chris est allé libérer les otages au Soudan... Les gens vont me le jeter des fleurs. Là. Moi, je veux pas de mérite. Tu vas recevoir des messages, je fais ça pour mes abonnés. Moi, je veux pas de mérite. Ouais, okay, mais je suis désolé. T'as quand même écrit derrière une thèse sur toute la relation et les conflits géopolitiques qui ont amené à ces conséquences. C'était, enfin voilà, il faut quand même le dire en étant parfaitement objectif. C'était formidable. J'ai pas beaucoup de mérite parce que j'ai fait ça pendant mes heures de nuit à l'hôpital, donc bon, j'avais un peu de temps. Voilà. Est-ce que tu monétises tes libérations ou tu fais ça comme ça pour la passion ? Non, j'ai pas fait de devis. J'ai fait un devis à Macron. J'ai dit bon, allez, je te fais un devis, je vais la libérer. Et je voudrais juste revenir sur le terme d'influenceur qui a un peu circulé, mais je le dis à chaque fois parce que je pense que c'est important de faire rentrer ça dans la tête des gens. Aujourd'hui, influenceur, c'est genre un métier. Les gens, ils mettent ça sur Instagram. Mon métier, c'est influenceur. Non, en fait, on est tous des influenceurs 1.0. C'est-à-dire quand Valentin, là, nous dit, allez voir Drunk avec Matt Mikkelsen, même s'il te le dit juste autour d'une table et enfin entre nous, on se dit tiens, il a aimé le film, on va aller le voir. Et enfin voilà, on va tous influencer des gens à petite échelle, on va tous influencer nos potes, on va tous influencer. Après, le concept selon lequel une personne peut influencer des milliers de personnes, en fait, il n'est pas forcément vrai, parce qu'il y a des gens des fois qui sont très suivis et en fait qui n'ont pas forcément des retours si énormes qu'on pourrait le penser. Il a été démontré d'ailleurs que finalement, ce qu'on appelle les micro-influenceurs sur Internet ont plus de portée et plus de résultats. C'est-à-dire qu'un mec qui a 10 000 abonnés va plus facilement convaincre ses abonnés d'aller cliquer du pognon des fois. Tu vois, c'est assez révélateur comme lapsus. D'aller cliquer sur un lien pour, par exemple, acheter quelque chose, plutôt qu'un mec qui a 1 million d'abonnés, finalement, en fait, en termes de pourcentage, il aura peut-être un pourcentage d'abonnés fidèles qui cliqueront sur le lien bien inférieur à celui du mec qui n'a que 10 000 abonnés. Et cette histoire du micro-influenceur, c'est quelque chose qu'on remarque aussi IRL, quand on fait des salons ou des événements ou ce genre de choses, où tu peux être tenté d'inviter un influenceur, un podcasteur, un vidéaste, tout ça, parce qu'il a une... Qui, par exemple ? Plein de gens, des gens qui ont une grosse communauté. Moi, si j'étais dans le salon, dans le game du salon et de l'événement, j'aurais des noms, mais là... Et, mais toi, tu peux nous en parler, du coup, comme tu reprends visiblement l'organisation du TGS. On sera assez content de le savoir. Non, ça ne risque pas d'arriver, visiblement. Non, mais du coup, ce que je veux dire, c'est que les salons peuvent avoir tendance à inviter des gens parce qu'ils ont une grosse communauté, qu'ils ont beaucoup de followers et tout ça. Et... On a pu le constater à plusieurs reprises au cours de nos différentes activités. On a régulièrement des gens qui sont plus qui vont se déplacer et qui vont faire la queue pour aller à une dédicace d'un influenceur qui a une petite communauté motivée, et on a des gros influenceurs qui sont tout seuls avec personne qui vient leur faire signer des prints, tout ce genre de choses quoi. Même au-delà des conventions, hein, les marques y en reviennent de plus en plus, des gros influenceurs, y compris des influenceurs qu'elles ont contribué à rendre gros en termes d'influence et de communauté, parce que ben il y a aussi le syndrome de starification qui font que il y a un melon et que les grands influenceurs coûtent cher, très cher, et qu'au final ben, le retour sur investissement que tu pouvais avoir à l'époque n'est plus le cas aujourd'hui, et t'as aussi une espèce de perte d'authenticité que tu vas effectivement beaucoup plus pouvoir retrouver chez les micro-influenceurs qui ont une communauté certes plus petite, mais où tu as une relation humaine qui est beaucoup plus forte. Et là, effectivement, pour le coup, le retour sur investissement pour les marques est beaucoup plus intéressant. Bah. Je sais que c'est le cas dans les trucs de make-up et tout ça. De plus en plus, elles en reviennent de toutes les grandes influenceuses pour aller justement, au contraire, c'est presque la course pour aller chercher la future, un tel, et là, pour le coup, que ça soit vraiment jackpot en termes de budget et de com', quoi. Nous, on l'a vu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les marques, elles vont préférer donner quelques centaines d'euros, parce que sur les micro-influenceurs, les paiements, je sais pas, c'est entre 100, 200, 400, 500 euros à tout casser. Pour ça dépend du devis. Ouais, voilà. Non, mais je veux dire, c'est quelques centaines d'euros et souvent c'est la moyenne basse à des petites chaînes qui souvent d'ailleurs sous-estiment le prix de leur travail pour potentiellement multiplier leur mise par 5, par 10, par 20, plutôt que de filer 30 000 ou 40 000 euros à des grosses chaînes qui ont plusieurs millions d'abonnés avec en fait finalement un retour qui sera au mieux équivalent ou peut-être au double, mais multiplié par le nombre de petites chaînes que tu peux contacter, c'est bien plus intéressant de se tourner vers des petites chaînes en fait. Après, ça marche, toi. Moi, je voulais pas installer Red Shadow Legends, je voyais partout, je trouvais ça nul, mais quand je l'ai vu sur ta chaîne, bah ça m'a donné envie de m'y mettre. Mais tu sais qu'en vrai, moi je voulais pas faire de Red Shadow Legends, et en fait j'ai essayé le jeu, c'est pas une blague, hein. Là maintenant c'est bon, le partenariat est fini, tu vois, je peux dire la vérité, que j'avais déjà dite d'ailleurs en live je crois, bah le jeu il est pas désagréable, tu vois, moi je suis assez client des Diablo, des RPG au tour par tour et tout, et en fait c'est tellement, en fait leur communication elle est pourrie parce que ils le survendent tellement partout, tu te dis ouais, pour qu'ils insistent autant ça doit être comme les canapés d'Yanda, ça doit être de la merde, et en fait non, en fait c'est un jeu mobile, donc c'est un jeu mobile tout con, mais c'est un jeu mobile gratos, donc tu t'engages à rien, t'installes le jeu mobile, tu joues 2 heures, 3 heures dans le métro, après ça te plaît pas, bah tu le désinstalles. Et en vrai, le jeu est pas nul, quoi. Donc j'ai dit, bah finalement, non, ça va. Et ils l'ont tellement survendu partout que je m'attendais vraiment à ce que ce soit de la grosse merde. Et en fait, non, c'est juste un jeu mobile normal sur lesquels ils ont une communication hyper agressive, quoi. Voilà. Yanda ? C'est moi. Est-ce que ces jeux-là qu'on installe pour 2 heures dans le métro et puis après qu'on efface, est-ce que c'est safe en termes de fuite de données ? Ou est-ce qu'on sait pas ? C'est une bonne question. Je saurais pas te dire. A priori, je pense pas, puisqu'en fait, maintenant, alors déjà en termes d'accessibilité, ben maintenant quand tu installes une appli, au moment du téléchargement, ça te dit tout de suite, cette application a besoin d'accéder à tel contenu de ton téléphone. Est-ce que tu valides ou pas ? Donc déjà, ça te donne une petite indication. Typiquement, si tu télécharges un jeu mobile et que le jeu mobile demande d'avoir accès à tes photos ou des trucs comme ça, bon, tu te dis, ouais, ça fait chier un peu. Mais après, en termes de données à proprement parler, non, je suis pas sûr. Ces jeux-là fonctionnent beaucoup sur le modèle économique hyper fort du freemium. C'est-à-dire que le jeu est gratuit, on te file la première dose gratuite, et puis après, quand tu tombes accro au jeu, bah, tu viens acheter des packs pour... après, c'est du pay-to-win, quoi. Voilà, pour pex plus vite, ou pour acheter des skins, ou pour des trucs comme je ça. Je préfère les pétomanes, moi, mais après... Bon. C'est vrai. ça marche aussi, hein. Mais du coup, je trouve que le modèle freemium est vachement intéressant, parce que... si tu fais un comparatif, pour le même jeu, si tu le mets payant tout de suite, ou alors que tu le mets gratuit avec un accès limité ou un accès à certaines fonctionnalités et payant pour de l'extension ou pour venir customiser les affichages, etc., tu as beaucoup plus de téléchargements sur le freemium, alors que la finalité est la même. Mais cette barrière de l'achat immédiat, elle est levée par le freemium, et en règle générale, les gens qui téléchargent une application freemium sont plus enclins à dépenser, pas des sommes astronomiques forcément, mais ne serait-ce que dépenser un peu d'argent dans le jeu, alors que s'il avait été payant dès le départ, il ne l'aurait même pas téléchargé. Et ça, c'est des trucs qui sont trouvés. Et surtout, un jeu que tu vas payer une fois 15 euros, tu vas le payer une fois, après, t'as accès à ton jeu, c'est tout. Alors que, avec ce type de contenu en mode pay to win, le mec va peut-être pas l'acheter 15, enfin, effectivement, ne l'achète pas 15 euros au départ, mais il va peut-être en dépenser 45, 50, 60, pour acheter des objets dans le jeu. Et donc, je pense que les éditeurs sont bien plus gagnants à la fin, quoi. Après, même un jeu que t'achètes au départ, il est pas complet. Si tu prends le dernier Assassin's Creed, là, où tu le payes au prix fort du jeu, et là le jeu, on enregistre cette émission, il est 22h44 et nous sommes le 21 octobre. Le jeu est annoncé pour sortir dans 20 jours, et on a eu les annonces de eh, voilà ce qu'on va vous sortir comme DLC pendant un an. Ce que je veux dire, c'est que avant les DLC, ils se cachaient un petit peu, tu vois, on te sortait le jeu, puis après on te disait eh mec, tu veux une dose en plus, vas-y, tu remets 15 balles et je te remets une dose. Là le truc est pas sorti et on te dit déjà eh, il manque des pièces dans le bousin, faut repasser à la caisse. Oui. Oui, écarte bien ta rondelle. Oui, je passe avec mes copains. Donc même un jeu que t'achètes au prix fort. Et en général, le pigeon, c'est moi, hein, puisque je le veux, quoi. Mais en fait, cette communication autour du DLC, je sais pas, ça m'a bien, ça m'a énervé vraiment. Je trouve ça abusé. Après, je me dis, on le sait, tu vois. Enfin, il y a toujours des contenus en plus qui sortent. Derrière tout, enfin je sais pas, il y a un vrai truc où on se cache plus en fait, et puis on t'emmerde et tu vas repasser à la caisse et tout, et puis voilà, c'est comme ça. Et à côté de ça, il y a comment ça s'appelle, c'est des Project Red, la boîte qui a fait Witcher, ouais, et qui ressortait des DLC hyper complets gratos et des extensions et tout. Dans Assassin's Creed, il y a des vrais trucs hyper sympas, genre il y a le Discovery Mode. Alors c'est tout con, mais du coup c'est un mode où tu explores la map, et qui est un peu le mode cours d'histoire géo, quoi, où tu vois les lieux historiques, t'as des infos sur comment ils ont fait le jeu et tout. Et ça, pour le coup, c'est un DLC gratuit, quoi. Mais là, le fait que le jeu sorte dans genre presque un mois et qu'on est en train de te dire tous les DLC que tu vas devoir remettre, remets 20 balles là, remets 15 balles là. Ouais, il y a un truc qui me gêne, quoi. Le season pass. Ouais, enfin, je sais pas, c'est relou, quoi. Enfin, cette mode du truc, c'est quelque chose qui me plaît pas, en fait. Et c'est quelque chose qui m'agace. En vrai, je sais la contradiction du truc. Est-ce qu'il vaut mieux qu'ils disent un mois avant de sortir le jeu, on va sortir le jeu et il est pas tout à fait complet et il y a des DLC et il faut les payer? Donc, au moins, c'est honnête comme truc, tu vois. Et donc, on te dit ce qu'il va y avoir dedans pour essayer de te donner un peu envie. Ou est-ce qu'il vaut mieux sortir le jeu et puis sortir les extensions au fur et à mesure et tout? Enfin, je sais pas. J'ai un vrai cas de conscience. Alors, vous qui êtes influenceur, que dois-je penser? Moi, ça dépend comment c'est fait. Je sais que moi, je ne joue que sur Nintendo. Je l'ai déjà dit ici, et je joue peu. Mais du coup, c'était quand Mario Kart avait commencé à faire les premiers DLC. Donc c'était Mario Kart sur Wii U, Mario Kart 8 du coup sur Wii U. Le jeu était complet dans le sens où tu avais le même nombre de coupes et le même nombre de circuits que dans les précédents Mario Kart qui sortaient. Donc t'étais pas lésé à ce niveau-là, mais c'est vrai que quelques mois ou un an après, je sais plus exactement, ils ont commencé à dire en fait, on va vous mettre des nouvelles coupes en DLC. Ce qui, moi, m'a pas choqué dans le sens où, effectivement, le jeu de base était terminé, puisque ils avaient pas enlevé des courses en disant si vous voulez encore plus de courses et avoir un pack complet de courses, venez les acheter. Là, c'était vraiment des courses bonus. Alors, ça reste du DLC, mais je trouvais pas ça malhonnête dans le sens où, de base, le jeu était complet, quoi. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve acceptable, voire tolérable dans l'absolu. Après, concrètement, les DLC, ça me pète un peu les couilles, parce que justement, il y a cette dimension-là du j'achète mon jeu et en fait, il n'est pas fini, quoi. Mais bon, je veux bien faire des exceptions sur 2-3 trucs. Notamment Smash Bros, c'est pareil, ils ajoutent des combattants. Il y en a beaucoup quand même là qui se rajoutent. C'est bon, je suis un gros pigeon. Pour le coup, là, je suis un pigeon de ouf, donc je vais tous les acheter. Mais c'est vrai que ça fait un peu chier. Après, de base, il y avait un nombre déjà faramineux de personnages dans le jeu de base. Donc, bon, si t'es pas un gros fanboy hardcore, t'as pas à te sentir lésé parce qu'il y a quelques personnages en plus. plus ou moins anecdotique, quoi. Donc bon, mais effectivement, Zelda Breath of the Wild, il commence un peu Nintendo à aller sur la pente un peu démoniaque des DLC, où en fait ils ont les premiers DLC qui sont sortis. Il y en avait un où clairement il était déjà inclus dans le jeu, et c'est juste qu'ils ont bridé exprès le jeu de base pour pas le mettre. C'était les petits coffres X. Alors certains, ouais, mais je pensais surtout à tes déplacements sur la map qu'on peut regarder et suivre, enfin pas en temps réel du coup, mais où tu peux voir exactement ta progression dans le jeu et tes déplacements au niveau de la map. Et ça, pour moi, c'est un truc qui aurait dû être inclus de base dans le jeu, et je suis sûr que ça y était, puisque c'était un des premiers DLC et que c'est sorti très peu de temps après la sortie du jeu en lui-même. Donc au bout d'un moment, les gars, abusez pas, quoi. Mais pour un petit truc comme ça, ne nous le faites pas payer en DLC, je trouve ça un peu abusé, quoi. Après, pour tout ce qui est missions annexes, des trucs un peu bonus en plus qui te rajoutent un peu de temps de jeu, mais qui te rajoutent pas de l'histoire en tant que telle, on va dire, moi je trouve ça acceptable, quoi. Mais bon, globalement, je suis assez contre les DLC d'une manière générale, absolument. Je suis pas contre les mises à jour, par contre, pour la stabilité des jeux et tout ça. Mais voilà, ça c'est autre chose. Ah, je sens que ça m'avait fait complètement bloquer. Déjà avec Assassin's Creed, il y a une grosse dizaine d'années, si vous reprenez Assassin's Creed, le jeu de base tel qu'il était vendu quand il sortait, t'avais un prologue, et puis après le jeu était chapitré en séquence 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 14. Et les séquences 12, 13, et ben c'était un DLC, donc il te manquait un bout au milieu du jeu. Putain, c'est honteux. Et il te manquait le dernier acte pour... voilà. Allez, vas-y, paye mon copain. Mais Quel est cet attrait, d'où te vient cette passion pour cette saga qui, je t'avoue, me laisse un peu perplexe. À cause du super film qui est sorti à une époque. Ah oui, avec Michael Fassbender. Marion Cotillard et Fassbender, absolument. Oui, parce que tu t'achètes des bouquins et tout. Enfin, t'es complétiste à fond sur l'univers d'Assassin's Creed. Donc tu es un vrai fanboy de ouf, en fait. Ouais, je suis un peu dedans en ce moment. Ouais. Bah, en fait, c'est parce que moi, j'aime bien qu'on me raconte des histoires, et en fait, à chaque fois, t'as trois histoires en même temps. Alors ça, c'est quand même... T'as trois histoires pour le prix d'une, quoi. T'as l'histoire qui se passe pour le prix d'une demi, quoi. Ouais, voilà, parce qu'au final, tes histoires sont même pas complètes. Mais t'as jamais la fin. C'est pour ça que t'es obligé d'acheter la suite. T'es bloqué. Non, en fait, alors il y a deux trucs. D'abord, on a déjà parlé de ce problème de collectionneur. Genre, si je récupère une figurine Heroclix, une semaine après, j'en ai 650. On a déjà parlé de ça ou pas? Oui. Du coup, j'ai la même chose dans les jeux vidéo. Et le système de jeu Ubisoft, c'est ce qu'ils ont installé sur tous leurs jeux. Hein. T'as ça dans Far Cry, t'as ça dans Watch Dogs, t'as ça dans Assassin's Creed. T'as un système de trucs à aller chercher sur des cartes. Il faut que tu libères des quartiers. Pour libérer des quartiers, il faut que t'ailles sur des points de synchronisation. Donc, moi, quand je commence le jeu, je vais sur tous les points de synchronisation. Je fais toute la carte, ça te libère des marqueurs qui disent c'est des coffres. Ah bah ok, bon bah je vais chercher tous les coffres, d'accord, très bien. À la fin, quand j'ai fini ça, j'ai oublié quelle était la trame du jeu et ce que je fous là et tout. Donc je suis un vrai pigeon pour le côté collectibles. C'est pas redondant pour toi, c'est pas un truc qui te lasse, quoi. Alors ça dépend comment c'est fait, ça dépend de la découverte. Je sais que j'ai passé beaucoup de temps sur Odyssey, donc le dernier en date avant c'est le prochain. C'est les Vikings, c'est non la Grèce. Ouais. Ah la Grèce, ah oui. Ouais. Et Odyssey, pour le coup, il est vraiment trop long. Vraiment. C'est-à-dire que là, il y a un dernier... Enfin, d'abord, il y a plein d'îles à aller vérifier. C'est hyper... Faut prendre ton bateau, faut y aller, faut te parquer, découvrir la ville, enfin, chercher tout ça. Pour le coup, ça, c'est très, très redondant. T'as un système de... Il y a une secte, en fait, qui est cachée dans toute la Grèce, et il faut retrouver les individus. Dans Origins, il y avait une douzaine de personnages... Il y a une sorte de liposuction des sectes. Attends, je l'ai pas. Ah, la Grèce, ah oui, tout ça. Ah, la vache, oui, bien. Secte est cachée dans bien. La Grèce. C'est très bien. Tous les possucés, c'est quand même très long. Il faut que tu les cherches à chaque fois. Bref, tout ça, vraiment, c'est redondant. Et là, je suis dans un... Il reste un dernier DLC que j'avais pas fait, qui est censé être... qui s'appelle le secret de l'Atlantide ou un truc comme ça. Et en fait, tu te retrouves dans une version un peu fantasmée de l'Elysée. Donc, une sorte de paradis. Ah, il y a Manu. Il y a Emmanuel Macron. Il va bien, ouais. Trop bien. Excellent. Et c'est relou, en fait. Et c'est que des quêtes. Mais ça pourrait être Macron parce que c'est vraiment des quêtes Deliveroo, tu vois. Il faut que t'ailles là, après tu vas là, après tu vas là. Puis tu gagnes rien. C'est mal payé. Et puis c'est long, c'est toujours la même chose. Et là, je me trouvais ce matin face à une quête où on me dit il faut que tu ailles libérer 8 mecs dans chacun des quartiers. Donc t'as 24 mecs à libérer. Donc il faut pour libérer les mecs, en fait, il faut pas les tuer, il faut les assommer et ensuite faire une action. Donc c'est-à-dire qu'il faut te battre contre des mecs à main nue. Donc faut aller attaquer Ah ouais, c'est 24 les, ouais. gardes dans 3 quartiers différents à main nue, donc ça fait des combats qui sont un peu plus longs et tout. Et là pour le coup, c'est vraiment, et à chaque fois que tu dis bon bah c'est la fin du truc, à chaque fois on te dit "Eh tiens, va me livrer ce colis là-bas, eh va chercher un cheval là-bas." Et là ouais, franchement Odyssée j'en ai marre. Il tire sur la corde quoi. Ouais. Et après oui, c'est le côté, au début quand ça a commencé, j'aimais bien le côté il y a le côté visite un peu des trucs historiques et tout machin, ça me fait un peu rigoler. Il y a une la partie historique se passe en fait dans un jeu vidéo, et toi tu joues à un joueur qui joue dans un jeu vidéo, donc il y a un truc à trouver dans le présent aussi. Et puis et en fait dans le présent on fait des recherches sur une première civilisation qui était là avant l'humanité et qui est censée avoir engendré l'humanité, donc il y a aussi cette histoire là un peu à creuser, un peu mystique et tout. Donc en fait à chaque fois t'as 3 histoires dans l'histoire. Eh oui. Mais ça d'ailleurs, pour parler de l'histoire en tant que telle, c'est les phases dans le présent, elles ont été abandonnées ou non, il y a toujours ce truc là. Les trois premiers, oui, ça y était, après je sais plus. Dans le premier, ça y était, ça t'interrompait beaucoup en fait. Dans le 2, c'était un peu mieux dosé et le 3 en fait, c'était la fin du cycle, enfin t'avais une conclusion un peu je sais même plus si c'était dans le 3. Non, c'est à la fin de. Dans le 3, c'est avec les Indiens d'Amérique. Il y a le 1, le 2, ensuite il y a Brotherhood et Révélation. Ouais, voilà. Qui forment un cycle. Et en fait, c'est la fin du cycle avec les personnages du passé, Ezio et Altaïr, et avec le personnage du présent qui s'appelle Desmond. Et tu changes, en fait, de façon de vivre le présent à partir du 3. Desmond, il y est dans le 3. Le 3, c'est le seul auquel j'ai joué, et t'es Desmond au début. Après tu retournes à l'époque au niveau de la putain de l'indépendance des États-Unis. Voilà. Et donc voilà, et après ça c'est fini, alors il y a plus Desmond. Alors il y a plus Desmond, mais il y a d'autres choses en fait. Dans le présent. Ouais. Ah OK. Après c'est pas très on va pas spoiler, en même temps c'est pas très intéressant. Ils ont trouvé à chaque fois une astuce pour que tu sois il y a aussi un lien avec le présent et que voilà. Mais ça perd un peu le fil en fait. Desmond c'était assez simple à suivre. Il y a des moments où tu visites les labos d'Abstergo, donc qui sont les méchants. Du coup, ça devient un peu random comme c'est moins intéressant quoi. Mais il y a des trucs à creuser quoi. Et en fait, tout est canon. Les comics, les mangas, les romans, il y a des encyclopédies, le film et les jeux vidéo, tout est canon. Et le film aussi. Ouais. Ah. Oui, c'est dur. Du coup voilà, il y a des trucs comme ça à creuser dans l'univers quoi. Mais je ne sais pas. Mais je sais que je suis un peu pigeon avec ça, tu vois, que je vais aller synchroniser des points de vue dans Valhalla comme je l'ai fait dans Origins et dans Odyssey et dans tous les autres quoi. C'est beau. Mais toi tu vas bien synchroniser des tours et des points de vue et des morceaux de cartes dans Zelda, c'est la même chose ? Absolument. Mais oui, bien sûr. Après ils sortent pas un Zelda tous les ans, donc ça va, j'économise mon blé, mais oui, je suis complètement d'accord. Faut que je m'achète les derniers personnages de Smash Bros d'ailleurs, dès que j'ai de la thunasse, je me précipite là-dessus pour des personnages avec lesquels je vais jouer à peine 30 minutes, donc ça va, tout va bien. Pour les DLC, je suis assez d'accord avec Valentin. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est annoncé. Enfin, c'est ce que tu dis aussi, c'est que c'est annoncé alors que le jeu n'est pas sorti, quoi. Enfin, moi, je vais prendre l'exemple de quand j'étais gamin. Tu vois, tu avais Diablo 2, donc tu le payais une blinde parce qu'à l'époque, les jeux coûtaient vraiment une blinde. Et maintenant aussi, mais c'est quand même plus facile de les avoir rapidement à un prix, on va dire correct. Sauf chez Nintendo où les prix baissent jamais. Mais et genre au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, t'avais une extension, on va dire, même plus qu'un DLC que t'achetais vraiment en magasin et où t'avais un nouveau personnage, des nouvelles quêtes, mais c'était vraiment un supplément à ton jeu. T'avais ton jeu complet que tu pouvais faire en entier, puis on proposait quelques temps plus tard de refaire le jeu avec une nouvelle classe de perso, puis d'avoir des nouvelles missions et tout. Ça me dérange pas, je trouve que c'est une bonne façon de prolonger la vie d'un jeu quand tu sais que dans le cas de Diablo il y en a un tous les 10-15 ans bientôt maintenant, donc le 4 il est annoncé mais on sait déjà qu'il aura 3 ans de retard, donc je trouve pas ça, tu vois, comme le dit Valentin, pour les Zelda c'est pas trop choquant parce que t'as un Zelda tous les 3 ans, 4 ans, voilà, ça passe encore. Maintenant pour des séries de jeux dont tu sais que t'en auras un pratiquement tous les ans ou tous les 2 ans, et que on sait à l'avance que en fait les trucs sont, c'est comme les jeux de combat où les personnages sont en fait sur le CD mais en gros t'achètes juste une clé pour les débloquer à peu de choses près. Ça je trouve ça un peu abusé parce que bon voilà, les jeux tu les payes quand même. Là les jeux de PS5 on nous les annonce à 80 balles, je veux dire 500 francs, ok, 50 000 anciens francs pour Madame Éloin qui écoute sur ce podcast parce qu'elle a pas compris comment on arrêtait. Ben oui, et du coup mon téléphone sonne là pendant ce temps là non mais en gros voilà, je pense qu'à 80 balles on pourrait quand même te vendre un jeu complet en disant voilà, tu vas en avoir pour ton argent, tu vas pouvoir passer du temps sur le jeu à faire des choses variées parce qu'effectivement les quêtes à base de ramasse 15 plantes vertes, tue 12 personnages avec un slip bleu, bon ça va peut-être dans les RPG sortis en l'an 2000 ou sur les vieux jeux Game Boy, mais aujourd'hui je pense que les jeux vidéo peuvent quand même te proposer d'autres types d'expériences. Quoi qu'il en soit, je trouve ça un peu abusé alors que le jeu n'est même pas sorti de commencer à te dire bon bah tu vas claquer 80 balles pour ton jeu, voire plus si t'achètes l'édition collector à 300 balles avec la statuette et tout, et tu sais que dans 6 mois tu vas relâcher 30 balles, 40 balles, je sais pas combien est le DLC, mais pour avoir le droit de finir le jeu en gros, enfin, ou d'avoir accès à des niveaux qui sont déjà programmés mais qu'on n'a pas voulu te mettre sur le jeu d'origine. Donc ouais, c'est un peu blasant quoi, parce que les gens sont clairement considérés bah comme des vaches à lait là pour le coup, alors que l'industrie du jeu vidéo surtout je pense chez voilà, enfin chez Ubisoft et chez des grosses boîtes comme ça est pas en péril, tu vois. Donc ils pourraient au moins faire l'effort d'offrir à des joueurs qui sont fidèles à une licence depuis des années un contenu un minimum respectueux de leur passion. Alors j'ai deux trucs on va reparler du reparler du respect parce que je vais oublier que je vais en parler. Mais ça, le respect, tout le monde l'oublie aujourd'hui. Sur... non, mais le respect dû aux fans et tout. En fait, non, mais tu vois, typiquement, si on prend l'exemple d'Ubi, il y a ce truc-là, puisque quand tu joues au jeu Ubisoft, tu débloques des succès, les succès te permettent de récupérer des points. Ces points-là te permettent soit d'activer des skins ou des DLC que tu vas pas payer, que tu vas payer avec tes points à force d'être fidèle au truc. Et ces points-là te servent aussi à activer des réductions. Genre si t'as, 200 points, tu peux avoir 10% de remise sur ta prochaine commande. Donc il y a quand même un système de fidélité, ouais, si tu continues à acheter sur leur store ou tout ça. En revanche, il y a quelque chose qui me gêne là-dedans, moi, qui est la perte de la référence du jeu. C'est-à-dire que si t'achètes le jeu de base sans aucune extension, t'as ton personnage avec les outils qui sont fournis et ce genre de trucs. Dès que tu vas acheter une édition Season Pass, une édition Gold, une édition machin, on va te filer, reprenons encore l'exemple d'Assassin's Creed, on va te refiler des armes en plus. On va te filer des boosters qui font que pendant 20 heures, tu vas gagner ton XP 50% plus vite. Du coup, est-ce que à ce moment-là, mon expérience de jeu est cheatée? Ou est-ce que c'est mon expérience d'utilisateur lambda qui a été bridée au démarrage, tu vois? Et du coup, est-ce que je paye plus cher pour avoir une expérience qui a été rabaissée parce qu'on m'a filé des trucs, des objets qui étaient trop forts pour le jeu? Ou alors est-ce que en tant que joueur classique, je vais galérer ma race parce que c'est pas un pay to win et que du coup j'ai pas acheté mon édition à 15 balles plus cher qui me sert à débloquer la lance qui est déjà sur le CD du jeu et qui va me permettre de tuer les ennemis plus rapidement. Il y a un système de perte de repères en fait, de quelle est la norme du jeu qui est presque philosophique en fait. Si on y réfléchit un peu de manière objective, tu vois, c'est un peu quand même quoi. Il y a de quoi se poser des questions et s'inquiéter, s'interroger et se tourmenter. Je sais pas si je vais dormir après ça. On s'est tout dit. Le respect. Je sais pas. Tu voulais parler du respect. Oui. Tu voulais parler du respect. C'est ça. Le respect du truc, c'était. Tu parlais du respect du. Le respect du joueur et de sa fidélisation et tout ça. Et je disais tu peux débloquer des petites réductions en jouant à tes jeux. Si tu pètes les trophées dans Far Cry 3 et 4, tu peux avoir 10% quand t'achètes Assassin's Creed Valhalla par exemple. Mais toujours pas de Splinter Cell. Et ça. Ça, c'est pas bien. Connais pas ça. Tu joues à des jeux Ubi, t'as jamais joué à Splinter Cell, mais tu n'as pas d'âme, en fait, concrètement. Je ne sais pas. Putain. J'en ai peut-être une. Meilleure licence Ubisoft, après Beyond Good and Evil, mais meilleure licence Ubisoft, Splinter Cell. C'est objectif. Ah, Beyond Good and Evil, j'ai le 1, mais je l'ai jamais installé. Il a dû vieillir à mon avis. Hein. J'ai pas voulu me remettre dedans récemment. Je pense qu'il a pris un petit coup de vieux techniquement, mais l'histoire est très chouette. Voilà, maintenant c'est tout dit. Sur ce, à bientôt, bisous. Et lavez-vous les mains, tout ça. Les liens affiliés. Les liens affiliés, machin, truc super. Les professionnels, les devis, allez tout, allez, ciao.